Hey, je m'amuse avec ma clé USB, là, puis je m'imagine en train de faire du morse parce que je trouve ça badass, du morse. Puis là, je me disais, est-ce que ça serait drôle de voir deux critiques qui s'ostinent en morse? Puis là, ils sont en train de s'engueuler en morse, là. What? Ah, il va loin, il va loin. Ouais, C'est le temps qu'on commence, je pense. je Ok, pense que je oui. vois juste de là. Ouais, ce sera pas long. J'ai écrit manque mon petit gag. Pas d'accord, tabarnak! T'as pas compris, je suis pas d'accord! T'as mal épié le titre du film, je comprends pas de quoi tu parles. Oh yes, épisode numéro 62 de l'Horreur Gamer Show. Tout le monde, salut! J'espère que vous êtes en forme parce que nous autres, on l'est. Parce qu'on a un sujet quand même assez malade ce soir. Et pour m'accompagner dans ce sujet malade qui est une partie de la filmographie de James Wan, j'ai des gens qui, si on les associerait à la filmographie de James Wan, j'aurais tout d'abord celui qui, au nombre de DVD qu'il y a chez eux, il y en a sûrement un qui est hanté. J'ai nommé Steven François. Salut Steven. Hey, salut! En forme. Ah, super, gars, on parle de James Wan, on va s'amuser comme des petits-enfants. Yes, et là, j'en entends des gens qui ont dit, qui se disent James Swan, le James le signe, c'est ça? Ça va sonner Dans de mes même à mots. soir. J'ai aussi celui qui connaît plus de trivia sur toutes les enquêtes qu'ils ont faites par rapport à Ed et Lauren. J'ai nommé GF qui me fait un nom. Salut Pas partout. GF. Laisse-moi donc faire mes gags, là, D'accord. tu Oui, je sais. connais tout, je suis un expert des Warren. Je les Et connais, j'ai. mes amis. Et j'ai celle qui ferait un exorcisme d'une nonne fantôme hein, juste en la regardant par les fenêtres. Hey, toi, ma maudite, retourne chez vous. Vicky Langlois. Ah, Vicky tellement vient LeFrançois. ici que je te botte le popotin. Tu peux pas dire le cul à une nonne, là, quand même. Ah, ouais, quand Vient même, ici là. que je Là, te c'est botte le popotin. une nonne démon, là. Tu peux bien y botter le cul si tu veux. Ah, ok, d'abord. Viens Tu ici que je te botte le peux lui cul. faire ce que tu veux, Vicky. Elle est toute à toi. Oh shit, elle va finir perturber la nonne. Je comprends ses motivations d'attaquer les gens maintenant. Elle est juste traumatisée. Elle a été hantée, vu qu'une fois, elle a comme fait, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai comme de la pression à décharger sur tout le monde autour. Si c'est ça la race humaine, hostie, ils vont manger un coup. C'est de ma faute Ah finalement. bon. Écoute, c'est James Wan qui t'a remercié, ça y a fait un sujet d'un film. Hey, tout le monde, salut! C'est rare qu'on parle de nouveautés, mais c'est en fait, on est comme En en business. streak, ouais, c'est ça, là. On a eu The Witch, on a Conjuring 2. Écoute, on est quasiment tous allés voir The Shallow. Non, il y a juste moi et Steven qui l'a vu. Je sais même pas quoi. Ah. Juste entendu Steven dans le dernier épisode du Bras de Fer dire qu'il a hâte de le voir. Bon. Je Il l'a vu. suis déconnectée, là, c'est incroyable, là. Tu sais, quand j'allais souvent acheter des revues à la tabagie, et là, je suis vraiment, vraiment déconnectée, puis là, je vois sur une des revues Midnight Special, le film, je sais pas trop c'est quoi, puis je vais me chercher un café, finalement, j'ai pas pris cette revue-là, puis là, il y a un monsieur qui dit, hey, qu'est-ce que tu viens faire dans le coin? Puis je dis, ah, j'achète des revues, puis il dit, des revues de quoi, cinéma? Puis il dit, ah, il y a un super bon film, faut que tu vois, c'est Midnight Special. Là, je fais, OK, je l'ai vu sur une revue, il y a un monsieur random qui me parle de ce film-là, puis moi, je sais pas, fuck all, c'est quoi, genre, je capote, là. Et je suis vraiment déconnectée. Écoute, ça Incroyable. en fait la même chose. Je pense que c'est Steven qui a écrit sur Facebook qui écoutait Midnight Special. J'ai comme fait « What the fuck? » Je sais même pas c'est quoi. OK. Puis là, je m'en vais chez HMV, je regarde les nouveautés. Puis le gars de HMV que je connais bien, il fait comme « Hey, t'as-tu écouté Midnight Special? C'est vraiment bon. » J'ai comme « OK, OK. c'est genre le petit bijou méconnu. Tu l'as vu, Steven? » Ouais, mais je pensais pas que c'était méconnu. C'est comme le troisième film de Jeff Nichols, puis ces Je deux autres films sais. sont comme bien populaires. Mais moi, je suis C'est déconnectée. quoi J'ai ces deux genre autres pas films? le temps, C'est là. Take Shelter puis Mud avec Matthew McConaughey. OK. Ouais. Mais moi, Take Shelter, j'ai essayé de l'écouter, mais j'ai pas full trippé. Fait que moi, je l'ai pas écouté. Mais c'est ça. Fait que je me rends compte que je suis déconnectée. Cet après-midi, j'ai vu Scoot Guys and Apocalypse Zombie, je sais pas trop, là, qui est vraiment très, très drôle. Mais tu That's sais, j'étais cool, comme, ah, nice, ça vient, ça existe, ça. Fait que non. ça. Ben, comme j'expliquais à Steven quand ça a sorti, je m'en rappelle que les gars d'Horror Web disaient, je me souviens plus lequel, mais ils disaient qu'ils avaient entendu, ça fait des semaines qu'ils voyaient des spots à la TV, puis tout, puis j'étais comme, j'ai jamais entendu parler de ce film-là, pas en tout, puis en tout cas, ça a été long que je le voyais aussi. Là. Il y a eu du mauvais marketing, Ouais, Scoot c'est Guy. arrivé. Ouais. Écoute, Mais une bref. chose est sûre, Steven est connecté pour nous quatre. Oui, Ouais. Vous avez des questions au cinéma? Moi, je vais Allez-y. m'occuper des nonnes, puis Steven va s'occuper des questions au cinéma. C'est bon, C'est ça? ça. Hey, on a un gros sujet sur la table, à moins qu'on avait quelque chose à jaser en J'ai une intro, je pense. Oui? petite aparté que je voulais faire de deux minutes, là, parce que j'ai lu depuis le dernier épisode, on a parlé de Vie de 1967. Oui, J'ai c'est lu la vrai. nouvelle, le conte de Nicolas Gogol dans ce merveilleux petit livre qui s'appelle The Collected Tales, que j'ai pas lu les autres là, encore, mais ça m'intéresse. En gros, c'est pas long, c'est 30 ou 20, je pense que c'est juste 20 pages en fait. Puis c'est vraiment fucking pareil au film là, de 67. C'est quasiment beat par beat, là, les scènes, c'est tout pareil, pareil. À part qu'il nous explique un petit peu plus la hiérarchie des étudiants, comment est-ce que ça fonctionne, les différents étudiants au séminaire, les théologiens, les philosophes comme lui, il est notre personnage principal, puis tout. Puis c'est fait avec beaucoup d'humour, il nous raconte ça pendant 3, 4 pages, là, puis c'est super drôle. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humour dans l'écriture de Gogol, puis c'est ça, en gros, l'histoire est toute là, pareil comme dans le film. Puis les nuits sont très très courtes, comme dans le OK. film. Des fois, c'est juste une page la nuit, puis Fait que l'idée, c'est pas les nuits en tant que telles, c'est plus tout le autour des nuits. Ouais, mais je sais pas en fait c'est quoi la morale, mais ça finit pareil aussi avec les deux gars qui se parlent qui se parlent de leur ami puis qui se disent c'est ça, c'est pareil, Le pareil, film pareil. est excessivement Fidèle, oui. fidèle. Ah, cool. Fidèle, très, très. OK. Tout est là. La petite vieille, tout est là. C'est vrai. Cool. Est-ce qu'il dit elle a l'air d'une mime? Non, Est-ce elle fait qu'il pas ça. dit Elle fait plus le zombie, en fait. Elle a des mains devant elle comme ça. Puis... Est-ce qu'il dit que Vie a l'air d'une grosse marionnette C'est une grosse de affaire qui plush? marche mal, puis qui se fait porter quasiment par en dessous des bras avec par les autres, puis OK. que c'est les grosses paupières qui touchent le sol, là, tu sais, puis qui demandent à les soulever, puis OK, il y a une faut face de tout. métal. Ouais. OK, c'est hot, c'est hot. Ouais. Fait qu'il y avait raison d'être là demain. Oui, oui. OK. Ils ont été fidèles malgré tout. J'ai un C'est grand ça. respect pour le film, là. C'est là. Non, c'est le Fidèle mec dans qui la l'a écrit. laideur. Ah, c'est vraiment pas beau, là. On peut pas le garder. Non, non, c'est le mec qui l'a écrit. Non, non, mais regarde, on peut changer. Non. Mais non, je pense Ne que touche pas à Gogol. je pense que je vais en lire d'autres, des gogols, ouais. C'est un beau nom, ça, gogol. Touche pas à mon gogol. Ah, mais c'est cool, Jeff. Puis, hey, by the way, pour juste ce petit mot comme ça, pour ceux qui le savent pas, mais Jeff est un pauvre d'esprit. Oui, c'est vrai. Oui, selon certaines personnes sur mon Facebook, pas certaines personnes, une certaine personne C'est une qui, de toute pauvre façon. personne qui est pauvre d'esprit. Ouais, c'est ça. Et Donc, quelqu'un qui t'a traité de pauvre d'esprit? ouais, parce que Jeff traite ceux qui chiolent contre les filles Ah, dans Ghostbusters, Ghostbusters Ghostbusters. de pleurnichards misogynes, c'est ça qu'il J'ai disait? pas marqué misogyne, marqué pleurnichard Ouais. qui s'insurge du fait qu'il manque de pénis dans leur film, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, lui il a dit ouais, ben ça vient une remarque qui vient d'un pauvre d'esprit. J'ai dit ouais, mais tu t'élèves pas ben ben si tu fais des jugements envers des personnes avec seulement ce genre de remarques-là. Au pire, ferme ta gueule. C'est parce qu'il Il y dit, j'ai en pas besoin de le connaître plus que ça pour savoir que c'est un pauvre d'esprit. Et ma réplique a été Hey OK, boy. bye, unfriend. Merci, bonsoir. C'est parce que la vidéo puis l'opinion que Jeff a écrit, ça n'englobe pas tous ceux qui veulent pas voir Non. Ghostbusters. Ça C'est ça que touchait le ceux monde. qui voulaient pas voir le film à cause des filles. C'est ça, le monde qui défendent ceux qui chialent comprennent pas que nous autres, quand on s'insurge contre ceux qui chialent, on s'insurge pas contre ceux qui chialent contre les effets spéciaux, on s'insurge pas contre ceux qui chialent parce que il aurait pas dû avoir de suite. On s'insurge contre ceux qui vont dire des un film allez, c'est quoi, c'est genre fuck you all cons, Ouais, quelque genre chose de des même. tu sais, ce que tu fais comme come on là, tu sais, grow up là, puis tu sais, Arrête de passer. J'ai l'impression qu'on en parle, j'en parle dans chaque épisode qu'on participe. T'sais, Bras de fer, on en a parlé aussi, moi et Steven. Mais tu sais, c'est juste parce que la haine est démesurée, comme je t'expliquais, oui. Sébastien. La haine est démesurée parce que des films qui refont des fois des remakes ou des adaptations ils prennent des vieux classiques, comme tu l'as mentionné, les Ninja Turtles ou des trucs comme ça qui pourtant sont chers au monde, mais que ça c'est pas démesuré de même, le backlash, tu sais. Puis j'ai tendance à attaquer le backlash, moi, sexiste, parce que je trouve que c'est une grosse partie de ça, même si le monde, il se défend que non. Puis si c'était pas à cause des femmes, ça serait à cause de quoi? Si c'est vraiment juste à cause des effets spéciaux, puis tout, c'est démesuré, là, c'est ridicule. Là. Ouais, c'est ça, là, je veux dire, à un moment donné, là, le trailer le plus détesté du monde, parce que les effets spéciaux sont pas comme vous le voulez, comment? Là, prenez-moi pas pour un imbécile. Là. Puis non, je suis pas d'accord avec les effets spéciaux du Scooby-Doo, mais je les trouve très beaux dans le trailer. Ben, puis, Je comprends le monde qui dit que ça ressemble au film de Dee Murphy, là, Haunted Mansion, mais c'est quoi? Ouais. Oui, ouais. Ça sonne comme ça, mais tu sais, regarde, le film a 30 ans, ça se peut qu'ils aient décidé de changer les effets spéciaux, tu sais. C'est tout le temps l'idée de, alors refaites pas mes classiques, changez-les pas. Oh non, ils ont pas fait comme je voulais. Tu veux pas qu'on les refasse, mais si on les refait, tu veux qu'on les refasse comme ils étaient. Mais si on refait comme ils étaient, tu vas dire, hostie d'Hollywood qui a pas d'imagination. Tu sais, peu importe ce qu'ils vont faire, ça va chialer, tu sais. Ouais, mais moi, je vous arrête, là. Moi, j'ai pas écouté ce film-là, genre, depuis ma jeunesse. Ouais. Je l'ai réécouté dernièrement, il y a à peu près un mois, puis j'ai fait, mais pourquoi le monde charge les effets spéciaux? Ils sont pas si bons que ça, les effets spéciaux, ben de ceux-là. Ben puis tu sais, le monde sont comme, hein, c'est goofy. Hey, je suis désolée, là, mais le personnage de Bill Murray est carrément dégoûtant, là. Bill Murray est carrément un obsédé sexuel qui est proche de l'agression sexuelle, là. Tu sais, là, fait ouais. que, regarde, avant de traiter. Puis avant de dire que les filles dans le trailer du nouveau film, ont tous des personnages caricaturaux, là. Alors, retournez voir l'ancien, là, parce qu'on s'entend. C'est ça! Fait que je me suis dit, j'ai l'impression que Ghostbusters, le remake, s'adresse au public de Ghostbusters, le premier, donc aux enfants. Fait que je vois pas pourquoi moi je devrais. En tout cas, moi, je catch pas, genre, parce que pour avoir écouté le premier blockbuster dernièrement, pis pas. J'ai pas un attachement important à ce film-là. Je suis comme, ben, venez-en, là. Ben, je suis d'accord. Puis, tu sais, avant de critiquer la personnalité des filles, attendez donc de voir le film, tu sais. Voyez pas sur un trailer de 2 minutes, puis vous voyez juste des extraits, tu sais. C'est comme les montées de bras quand il y a un personnage de bande dessinée qui est joué par un noir au cinéma. Non, il était blanc, DVD, il devrait rester blanc. Ben, c'est la même chose avec l'adaptation de Dark Tower de Stephen King. Ils ont pris Idris Elba pour faire Roland, puis Roland, c'est un blanc dans le livre. En tout cas, on l'imagine toujours imaginé blanc, tu sais. Mais personne ne va se plaindre quand il y a du whitewashing, par exemple, tu sais. Non. T'as le remake de Ghost in the Shell, où c'est Scarlett Johansson qui fait le personnage principal. Oui. Tu sais, que tu fais comme, OK, mais c'est parce que c'est une Asiatique dans le contenu original. Ouais. Mais non, mais ça, c'est pas grave. Ben, il y a eu un petit backlash dans le temps de Aloha de Cameron Crowe, là, parce que Emma Stone jouait à Hawaiian, je pense, quelque chose comme ça. OK. Mais c'est minime à comparer. C'est minime, ouais, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. C'est un petit soubresaut d'Internet, tu sais. Moi, je vais conclure là-dessus parce qu'on va passer la soirée là-dessus, là, mais comme je disais à Sébastien, tu sais, tu sais, moi, je chiale parce que je me considère féministe et je considère que j'ai ces valeurs-là puis tout, mais c'est pas mauvais. Puis en tout cas, peu importe ce qu'on en pense, Paul Feig essaye pas de vous convertir nécessairement, puis il fait pas des films où ce qu'il fait juste mettre des femmes en avant-plan. Dans Spy, il a donné à Jason Statham quasiment un des meilleurs rôles de sa carrière, tu sais. Qu'on soit d'accord ou pas, moi, je trouve que c'est vraiment un petit meilleur rôle. Puis Jason Statham est tellement drôle. Il essaie pas de tu sais, oui, il prend défense des femmes, Paul Feig, il fait l'entrevue puis tout, puis là, il est fâché, c'est ancien, à cause de, c'est juste démesuré, la haine du monde, mais c'est ça, dans le fond, ils veulent pas annihiler les hommes non plus, là, tu sais, puis c'est ça! Tu sais, à quel point il faut se sentir attaqué parce que des gars, c'est devenu des femmes? À quel point il faut se sentir attaqué puis sentir qu'on n'a plus sa place. Hey, wow, les femmes féminazies prennent notre place. Ben non. C'est ça. Sur la page Facebook officielle de Ghostbusters, j'ai vu quelque part quelqu'un qui marquait Feminism is cancer. Puis il l'a marqué dans plusieurs commentaires à tout bout de champ, en dessous de tout le monde. Il marquait Feminism is cancer, c'est le cancer. Puis il disait, lui, c'est un esthétique féministe de CAF. Puis tout, il marquait ça en anglais. En tout cas, c'était ridicule, les attaques là, contre le féminisme. C'est comme, regarde, prends un livre, là, instruis-toi un peu, là, c'est pas... Oui. Ils sont pas là pour t'exterminer non plus, là. Puis c'est sûr qu'après ça, c'est des personnes-là, tu sais, qui sont hyper... féministes et cancer, comme tu dis. Ben, pour prouver leur point, ils vont aller prendre, dans le mouvement féministe, ils vont aller prendre des extrémistes. C'est ça, exactement. Pour prouver leur point. Puis là, tu fais comme... Un mouvement ne se définit jamais par ses extrémistes, tu sais. Oui, tu sais, c'est sûr et certain que je peux aller trouver des textes féministes puis faire comme oh, OK, cette personne-là est folle ou il est fou d'avoir écrit une affaire quand même, le féministe, mais tu vas te dire le féministe, c'est pas ça. Tandis qu'il y en a qui vont prendre ça puis vont dire check it out! C'est comme je te disais, tu sais, le monde qui dit les immigrants arrivent, on va tout être converti à la charia, puis dans 10 ans, on va porter le voile. C'est islamiste, c'est tout pareil. Calmez-vous, tu sais, c'est ça. Mais regarde. Les extrémistes, il y en a des catholiques aussi, puis de toutes les affaires. Mais je suis rendu que j'ai hâte que le film sorte pour que on ait enfin l'heure juste sur c'est-tu un bon film, c'est-tu un mauvais film. On le critique pour ce qu'il est plutôt que ce qu'il semble être. Il va être dur à critiquer. Parce qu'on est tous là, chacun de notre côté de la barrière. T'sais. Soit qu'on l'aime déjà, soit qu'on l'aime pas. Soit qu'on le défend déjà, qu'on le défend pas, t'sais, ou qu'on l'haït. Mm. Il va être vraiment dur. Puis même si on l'aime sincèrement, puis qu'on le dit, les gens vont dire « Ah, c'est parce que t'es féministe, puis ci, puis ça. » Ouais, mais comment rendre un film pour enfants politique? Ah, c'est ça! Ouais. C'est fou, hein? Parce que ça reste un film pour enfants. Hein? Oui. De toute façon, je vais dire le tagline de Last House on the Left. It's only a movie. Le seul but de Ghostbusters, c'est de divertir. Arrêtez d'aller chercher trop loin, les amis. Non, c'est ça. Non, ouais, puis tu sais, comme je disais à Sébastien après-midi, j'ai dit, c'est ma façon un peu d'insulter cette gang-là, ce public-là, mais tu sais, on est dans une culture un peu de petits gars immatures. Là, pis, t'as des films de femmes qui vont sortir, tu sais, t'as des affaires comme Suffragette ou des trucs comme ça qui les autres vont faire. OK, c'est correct, tu sais, c'est avec Meryl Streep, ça a l'air correct. Mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est de quelle couleur est le costume de Spider-Man ou qu'est-ce qui est, tu sais, c'est... On veut savoir les vraies choses, là, tu sais. On veut parler de super-héros pis tout, mais les films de femmes, ça nous intéresse pas. C'est comme, mais grandissez un peu, là. Il y a d'autres choses que vos comic books pis vos films de super-héros. Pis c'est correct de triper là-dessus, là. Mais, C'est avoir des femmes dans un film, ça vous tuera pas, là. Regarder un film de femmes de temps en temps. Puis de toute façon, c'est pas un film de femmes, c'est Ghostbusters, là, tu sais. C'est ça. Exactement. C'est ça. Il y a même une super raison. Pourquoi ces 4 filles, puis ils vont nous l'expliquer dès le départ. J'ai aucune idée. Peut-être que les 4 gars, man, ils trouvaient que la paye était pas assez chère, puis c'est à l'heure que les femmes, ils peuvent être payés à 50% de votre salaire, puis c'est pas un problème. Ils ont engagé 4 filles. Ils ont le droit d'être des docteurs, puis des experts, puis tout, là, tu sais. C'est très justifié, là, que ce soit des femmes. Moi, ma théorie, je vais vous la dire, puis je pense qu'on va peut-être arrêter là-dessus, mais moi, c'est ma théorie, c'est que ce film-là est en production depuis combien d'hosties de fucking années, où ce que là, ils se disent, là, On veut l'ancien cast. Oups, là, Redman, c'est Redman qui est mort? Ouais, c'est Aramis. Aramis, ok. Harold Ramis. C'est Harold Ramis qui est mort. Oups, ok, là, on n'aura plus le cast au complet, c'est sûr. Là, Bill Murray, il bande dans le manche. Ok, on fait plus eux autres. Là, on a pogné avec bien du travail qui a été mis sur ce film-là, bien du cash dépensé. On a probablement un scénario qui commence à être béton. On va prendre des gars. Oh, mais là, les gars, là, on va les comme les caster dans les anciens. OK, fuck that, on y va ailleurs. Tu sais, pour être sûr qu'il n'y ait pas de comparaison, bang, on pète des filles. Il n'y aura plus aucune comparaison, puis on va lui montrer qu'on est ailleurs, que c'est pas des gars qui reprennent les rôles des anciens. C'est pas des gars qui sont les descendants des Ghostbusters. C'est non. Regarde, on a assez travaillé là-dessus. Fuck that. On prend plus des gars. On déménage ça ailleurs, on rafraîchit le tout. Puis tu sais, puis ça va donner des gags puis des situations que t'aurais probablement pas pu avoir si t'avais fait un cast de gars ou un 50-50. Oui. Tu sais, puis garde. Melissa McCarthy for the win, de toute façon. Je suis d'accord. Ouais. De toute façon, inquiétez-vous pas, les gars, on va continuer à faire des jokes de boys dans vos films. Inquiétez-vous pas, c'est pas demain qu'il va y avoir des jokes de menstruation et d'ovaires. Inquiétez-vous pas. C'est le nombre de fois que dans un film, un gars peut se réveiller avec un pénis bandé du matin, Morning Wood, là. Et voilà. Ouais. Puis que c'est malaisant, puis que tout le monde, mais le nombre de fois qu'une fille peut se réveiller en faisant tabarnak, j'ai taché mes bobettes, puis il faut que je cours à la salle de bain. Ça, vous verrez pas ça tout de suite, les gars. Inquiétez-vous pas. Les films vont continuer à vous parler. Ça, non, ça arrive pas. OK. En 120 ans de cinéma, le nombre de fois que les hommes ont eu l'avant-plan ou des films, c'est pas bien, bien grave si de temps en temps les femmes ont la vedette. Là, t'sais. Mm-hmm. Exactement. Hey, sur ça, je pense que j'entends James Bond ce qu'il fait. Mais moi, c'est moi. Fait que je pense qu'on devrait y aller avec Dead Silence. Donc, on commence cet épisode de James Wan avec un de ses premiers films, Dead Silence, réalisé en 2007, qu'il a coécrit avec Lake Wannell, c'est toujours le même prononcé, mais bon, son grand compagnon, si vous cherchez un peu sur IMDb, vous allez voir, d'un, vous allez lui reconnaître la face parce qu'il a déjà joué dans une couple des films de James Wan, et en plus, côté écriture, il a été dans pas mal tous ses projets. Ainsi que c'est un peu lui qui a continué les premiers épisodes de la série Ça. Dead Silence, ça met en vedette notre cher Donnie Wahlberg, monsieur Step by Step lui-même, qui enquête. Ben, qui c'est pas lui qui est en vedette, c'est plus Ryan Quanten, mais c'est parce que j'aime ça que Donnie Wahlberg soit là. Je ne dis pas trop d'importance. Non, c'est vrai, parce qu'il n'est pas très important, il n'est pas très pertinent non plus. Mais Ryan Quanten, qui joue le rôle de Jamie, qui, après la mort de sa blonde, qui a coïncidé avec la réception d'une poupée de ventriloque mystérieuse, retourne à sa ville natale pour enquêter sur une légende selon laquelle une certaine Mary Shaw, une femme ventriloque, serait décédée et maintenant hanterait les gens. Et lorsque son fantôme apparaît, si vous avez le malheur de crier, elle vous arrache la langue et vous laisse pour mort. Alors voilà, c'est pas mal ça le résumé. Je pense que ça fait pas mal le tour. Alors merci de nous avoir écoutés. Bonsoir. Gardez ça en rire. Hey, Steven, qu'est-ce que t'as pensé de ça, toi, à notre sens? Est-ce que je le savais? Ouais. Ah, oh, ben, pourquoi? J'ai pas grand-chose à dire, là. Excellent, merci. Je garde ça silencieux. Bon, on l'avait préparé, hein. C'était déjà soir, je fais des jokes de silence, la soirée. Ouais. Je vais m'amuser toute la soirée. Non, Dead Silence, c'est drôle, ça va coïncider assez bien avec The Conjuring 2, parce que Dead Silence, j'ai eu la chance et la malchance de le voir au cinéma, et ça a été ma pire expérience à vie dans une salle de cinéma. La salle complète était... C'était un vendredi soir à 9h à Laval et c'était juste des ados en furie qui criaient avec leur cellulaire, que j'étais incapable de me concentrer dans le film puis qu'il n'y avait aucun respect au point que j'ai eu de la misère à m'incruster dans le film. Fait que ça m'a pris un deuxième visionnement en DVD pour finalement plus l'apprécier. Mais ouais, Dead Silence, c'est un film que j'aime bien de James Wan. Ça a un concept intéressant. Le fait d'utiliser le silence comme thématique de peur. À chaque fois que le silence apparaît, le silence apparaît, à chaque fois que le... C'est difficile à dire comment... Chier, là, hein? Non, mais en fait, je veux dire comment James Wan met en image le silence. Il arrive à mettre ça en image comme thématique de peur. On reste sur nos gardes dès qu'il arrive un moment de silence. J'aime beaucoup ce concept-là. Ça fait différent que de la simple poupée tueuse à la Chucky qui va se promener avec un couteau, parce que Dead Silence, c'est pas ça. C'est avant tout une histoire de fantôme gothique. Oui, je dis bien gothique parce qu'en gros, James Wan voulait faire un hommage au vieux film britannique de la Hammer avec ce film-là. C'est au point qu'il aurait même voulu que Christopher Lee puis Peter Cushing soient présents pour son film, ce qui est malheureusement pas très possible. C'est pour ça que le nom de la ville où se déroule le film s'appelle Raven Fear, qui est un clin d'œil à Edgar Allan Poe, qui est aussi une des inspirations de James Wan pour son film. Dead Silence, je dois avouer que côté atmosphérique, je trouve que c'est un film quand même assez bien réussi. Niveau cinématographie, James Wan, il a vraiment montré qu'il était plus qu'un simple réalisateur de MTV, parce que le premier Décadence, veut pas, c'est une réalisation très clipesque. MTV qui arrivait pas vraiment à se démarquer, tandis que avec Dead Silence, ben, tout de suite, il met les points sur les i en apportant un changement dans sa réalisation et dans son style. Ici, peu de scènes gore où c'est plus des images marquantes qu'autre chose. En gros, il va juste miser sur son atmosphère avec la brume. J'aime beaucoup dans la ville l'espèce de coroner qui va passer avec son vieux camion, sa vieille voiture style Phantasm dans la brume de la ville. Je trouve que l'aspect Hammer film britannique est quand même bien respecté, même si je crois que ça aurait pu être plus poussé, mais James Wan l'avait déjà mentionné qu'il était pas totalement satisfait de Dead Silence, parce qu'il y a eu une différence entre Décadence, où c'est un film à petit budget qui avait une grosse liberté, et Dead Silence, qui est son premier gros film, où il y a eu un petit peu de la misère avec les producteurs. Apparemment que ça s'est pas passé si bien que ça. Fait qu'il y a beaucoup de scènes qui s'est fait enlever, ce qui rend le scénario un petit peu décousu et un peu étrange dans son rythme. Le début, je le trouve un petit peu bordélique à suivre. Le personnage de Ryan, du gars de True Blood, je le trouve un peu pas mauvais, mais je trouve que c'est un personnage correct, un peu comme tous les personnages du film. Je trouve que c'est pas vraiment un aspect fort du film. Le casting est un petit peu banal, surtout le personnage de Donnie Wahlberg, que je m'aurais passé, parce que je sais pas si c'est vraiment voulu qu'il soit bouffon ou que c'est supposé être le genre de comic relief là, mais je trouve que c'est un détective fatigant que son seul but c'est de faire chier le personnage de Ryan puis de raser. Puis tu sais, tout de suite il l'accuse que c'est lui le meurtrier, mais crime, c'est lui qui a appelé la police pour dire que sa femme s'est fait tuer. Je pense pas que forcément il y a les preuves pour dire que c'est forcément lui qui a tué sa femme là. Puis tout le long du film il est juste fatigant. Chacune de ses apparitions c'est juste pour dire, ah, t'essaies de cacher des indices du crime, puis il fait juste se raser à tout bout de champ son petit rasoir, puis... Non, quand il est sur le point de poursuivre Jamie, c'est ça, en voiture, oui. Il dit, oblige-moi pas à te pourchasser, puis après ça, il dit une réplique genre, j'ai même pas assez de gaz dans mon char. J'ai pas assez d'essence. Oui, c'est ça. Il est vraiment juste là pour ça. Honnêtement, je m'aurais passé de ce personnage-là, j'aurais enlevé complètement du film. Sinon, le côté plus... Ça aurait rien changé. Le côté plus classique enquête du personnage de Ryan dans la ville, moi, c'est ça que je trouvais le plus intéressant à cause justement de son atmosphère. J'aimais beaucoup beaucoup ça. Je trouve le personnage, l'historique de Marisha est vraiment intéressante. Je trouve que ça apporte un petit coup de fraîcheur. Puis faut se le rappeler, dans le temps que Dead Silence est sorti, ben, les films de fantômes, c'était pas si populaire que ça. Fait que ça apportait un coup de nouveauté, tandis que tu réécoutes Dead Silence aujourd'hui, tu sais, quand tu as vu tous les autres films que ça l'a engendré, j'avoue que les jumpscares puis les apparitions terrifiantes de Marisha ont perdu un peu d'efficacité. Oui, Vicky? Non, ah, okay. Du tout. C'est bon, laisse faire. C'est... Elle parle à quelqu'un d'autre. OK. Ouais. C'est faisait un autre podcast. C'est un ventriloque à côté de moi. C'est le petit aspect qui m'a un peu déçu en revoyant. Je trouvais que le film me faisait un petit peu moins freaky que la première fois que je l'avais vu. N'empêche que les apparitions de Marisha sont quand même intéressantes visuellement. Je pense notamment à la scène dans l'hôtel avec le panneau clignotant rouge. Je trouve que ça procure une scène très réussie d'un point de vue visuel qui me rappelait le trailer de Lights Out, où que une des personnages va avoir un fantôme apparaître avec un panneau lumineux rouge qui est aussi produit par James Wan. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Peut-être une inspiration. Sinon, j'ai pas tant de choses à dire que ça sur Dead Silence. C'est vraiment juste un film que je crois que c'est le film que je préfère le moins dans la filmographie de James Wan. Je trouve qu'avec les années, c'est le film que je vois un peu plus les défauts de début de James Wan, des trucs qui m'achalent plus. On dirait qu'il y a plus de la misère à faire de quoi avec sa réalisation à dehors des scènes d'horreur. Quand c'est le temps de juste y aller dans une réalisation classique, dans les conversations, je trouve qu'il manque un petit peu de mordant, chose qui va changer au fil des autres films quand on va en parler dans Conjuring 2. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié le petit twist final aussi, qui est pas à prendre au sérieux. Ça va un peu avec le côté du film. C'est très fun, loufoque. T'sais, on a affaire à un fantôme qui se sert des poupées ventriloques pour attaquer des gens. Je pense qu'ils ont juste voulu intégrer, pas forcément un twist pour avoir le même impact que des cadences, mais juste d'avoir de quoi de le fun. Moi, je trouve au cinéma, je l'ai pas vu venir, puis je l'ai trouvé sympathique. Puis en réécoutant le film, je m'amusais à rechecker les détails, puisque c'est ça qui est le fun avec un twist. Ouais. Voir si ça marche bien. Puis Colin, finalement, je trouve que c'est quand même assez, assez cohérent. Dans le restant du film, quand tu portes attention aux détails. J'aime beaucoup aussi le soundtrack de Charlie Closer, qui était aussi responsable de Décadence. J'aime beaucoup le thème de Dead Silence. C'est sûr qu'on peut faire des rapprochements avec celle de ça. C'est le même compositeur, le gars a quand même sa touch. Un peu comme Danny Elfman, tu sais, tu peux tout le temps le reconnaître. Fait que c'est un petit peu... J'avais vu du monde qui reprochait ça, mais sinon, j'aime bien, pareil, sa composition. Mais... Non, c'est ça. En gros, c'est ça. Dead Silence, je trouve que c'est un petit film d'horreur sympathique qui montre déjà le potentiel de notre duo James Wan, Lee Whannell. Et j'aime beaucoup aussi qu'il touche des côtés horrifiques différents de décadence à cette époque-là. Puis moi, voir un film qui va dans les traditions de la Hammer, ça me fait plaisir. C'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent. Et le flashback dans le théâtre qui montre Marisha, qui est ma scène favorite du film, qui, je pense que c'est là où on voit vraiment le, où c'est que James Wan voulait s'en aller un peu avec son film, est vraiment réussi, puis je pense que j'aurais aimé ça que le film soit un peu plus dans cette ambiance-là, puis un peu moins l'enquête à la G-Hour, là, style The Ring, là, ça me gosse un petit peu, ça, j'aurais préféré quelque chose de plus atmosphérique, puis plus classique, mais non, sinon, c'est ça, en gros, là. Good, merci Steven. Et là, j'ai une Vicky qui faisait oui, moi. Alors, on va passer à Jean-François. Mais non. Mais parce que, un peu, mais comme Steven peut-être l'avait dit au début, il sait pas trop quoi dire à propos de Dead Silence. Moi non plus, puis j'étais un peu mal pris parce que je savais pas quoi dire parce que quand je l'ai écouté, j'étais pas dedans, là. J'étais vraiment pas dedans, puis c'était comme bon, gars, faut que je l'écoute, là. Faut que j'écoute un film, puis j'ai du temps pour écouter un film. Tant qu'à faire, m'écouter Dead Silence, faut que je l'écoute pour le podcast. Puis là, je me suis rendu compte quand j'ai écouté Steven que le film, c'est drôle Steven, mais il me manquait la salle. Puis je vais vous en parler tantôt avec The Conjuring 2, mais moi quand j'ai été voir The Conjuring, c'était plein d'ados survoltés qui criaient tout le temps. Puis j'avais un gars à côté de moi qui était paniqué, ben raide à The Conjuring 2, c'était hilarant. Et j'ai entré dans le film et j'ai eu peur, j'ai eu la chienne de ma vie pour Conjuring 2. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué pour Dead Silence. C'est comme si c'était un film qu'il fallait le voir comme dans une salle ou dans ton salon, pas de lumière, avec une grosse doudou, ou avec des amis, ou tu sais, des coussins. Ou je pense que vraiment, j'ai gaspillé mon écoute de Dead Silence. Okay. Puis c'est pas la première fois que je l'avais essayé, ce film-là. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que, vous le savez, j'écoute souvent des films en faisant autre chose. Puis, j'avais déjà commencé Dead Silence en faisant autre chose. Puis, j'avais vu l'acteur principal, puis il me tombait ses nerfs parce que je trouvais qu'il recyclait son acting. Et je trouvais qu'il recyclait son acting de True Blood. Et après, à partir d'un moment, il prend contact avec un autre personnage que je dirais pas lequel, on va le garder pour la session spoilers. Puis, tout de suite, j'ai fait, ah, ben là, ce personnage-là a beaucoup plus d'importance qu'il en laisse paraître à sa première rencontre. Ça me fait chier, ça me tente pas, ça me gosse. Puis j'avais décroché, puis j'avais arrêté de l'écouter. Et étrangement, quand je l'ai écouté cette semaine, je faisais exactement la même affaire que quand j'ai réécouté Dead Silence. Puis là, on aurait dit, je me suis dit, ben là, faut que tu l'écoutes jusqu'à la fin, t'as un podcast. Mais pourtant, de ce que je me souviens de ce film-là, c'est que la Marisha fait vraiment peur. Les jumpscares font peur. Les effets spéciaux sont vraiment bien faits. La mort du début est vraiment bien faite. Les voix qui sortent de nulle part font freaking peur. Puis c'est plein d'affaires qui réutilisaient dans Conjuring 2 que j'ai vu au cinéma dans une salle qui voulait avoir peur. Puis j'ai eu la chienne de ma vie. Et ça, c'est ça qui me manquait. Fait qu'au contraire de Steven, c'est ça, c'est pour ça que je dis je vais passer après Steven parce que c'est carrément le contraire. Moi, il me manquait une salle survoltée pour embarquer dans Dead Silence. Juste apporter la précision, parce que Conjuring 2, je vais en parler aussi, j'ai eu une expérience encore avec une salle comme ça. La différence, c'est que Dead Silence, ma salle, c'est pas une salle qui criait durant les jumpscares, ces choses-là. C'est une salle qui disait des absurdités à tout bout de champ, puis qui prenait des photos avec des flashs. Okay. Quelque chose de vraiment désagréable, et non une foule qui trippe et qui a peur. Là. Parce que, je vous le dis, le gars à côté de moi de faire 6 pieds 4, 250 livres, puis tu sais, là, en pantalon de coton, elle était gris, là. Tu sais, là, un peu douche baguette, là. Et il était de même sur sa chaise, les mains dans sa face. Puis à chaque fois qu'il y avait un saut, il levait les bras dans les airs. Puis la grosse momoune, toi, c'était drôle à voir, là. Moi, j'étais avec trois de mes chums de filles. On était les trois recroquevillés sur notre banc. Et je regarde Dead Silence en perspective. Puis la scène dans le théâtre, quand on découvre toutes les poupées, à chaque fois que la poupée change de regard ou change d'angle, c'est ça que je veux voir. Puis je me rends compte que j'aurais pu vraiment avoir plus la frousse avec Dead Silence si je m'étais donné la peine. Puis c'est vraiment ça que je me dis. Ce film-là, si tu te donnes la peine d'embarquer, là, tu peux vraiment avoir la chienne. Puis c'est ce que je veux dans un film d'horreur. Puis je pense que ce film-là, outre la fin que j'ai trouvé un peu boboche, le jeu des acteurs, ben, c'est pas le jeu des acteurs, en fait. C'est vraiment la mise en place des acteurs que tu te rends compte un peu ce qui va arriver. Puis la mise en scène de la fin, tu sais, c'est Yann, tu veux m'expliquer la vie en gros traits, tu pourrais pas faire mieux. Mais la raison d'être du film qui est de me faire peur aurait dû fonctionner davantage, puis c'est de ma faute si ça n'a pas fonctionné davantage, puis ça me donne envie de le réécouter, mais vraiment, le salon au noir avec une grosse doudou puis une soirée d'orage, puis c'est sûr que j'ai la chienne de ma vie. Ouais, c'est sûr. Qu'après autre chose, c'est peut-être... C'est ça, mais je le fais souvent, puis ouais. Des fois, il y a des films que je commence autre chose, puis finalement, ils m'absorbent tellement que j'arrête ce que je fais, puis je rentre dans le film. Mais on dirait que celui-là, un, je filais pas ce soir-là, deux, le scénario avec le policier, justement, le New Kids on the Block, est très faible. Puis oui, c'est un comic release, mais en même temps, ça fait un peu émission de chair de poule, tu sais, Ghostbump. Je sais pas, quand son arrivée au cimetière, après qu'il ait enterré sa femme, notre personnage principal, il retourne au cimetière, puis il trouve des noms sur des tombes, puis tu sais, ça fait vraiment... Goosebump ou l'autre, là, c'est Charles de Poule en français, mais l'autre, là, Fais-moi peur, tu sais, vraiment une série pour ados. Je trouve que c'est vraiment des éléments, entre les scènes, c'est des éléments de série pour ados. Fait que si j'écoutais ce film-là sans les scènes de poupées, je ferais comme, ouais, OK, ça fait peur, mais c'est vraiment quand il sait mettre la poupée en scène, les bruits hors champ, incroyablement inquiétant. Je pense que ce gars-là maîtrise mieux les petits budgets que les gros budgets, parce que les gros budgets l'obligent à mettre des scènes qui ne sont pas nécessaires, tandis que le petit budget t'oblige à être créatif. Et ce gars-là est incroyablement créatif, puis ce film-là en est une preuve, à mon avis. Tu peux vraiment aller chercher dans les détails de l'œil qui tourne, de l'angle de la caméra. Tu le sais qu'il va se passer quelque chose dans le background, fait que tu veux juste inspecter le background. Puis quand ça arrive, t'as un hostie de saut. Fait que vraiment, Dead Silence, j'ai envie d'y redonner une chance, puis d'une chance vraiment à propos. C'est ça. Cool. Mais écoute, c'était très hot, ça. J'ai hâte de savoir ce que Jeff va en penser. J'ai comme l'impression qu'il va aller mettre de l'eau dans notre vin. Je sais pas. Tu sais pas, mais moi, j'espère que tu le sais, parce que c'est à ton tour. D'accord. Ben, je sais pas. À chaque fois, je me dis je vais commencer clair puis précis, puis finalement, je suis tout perdu dans mes pensées avant de commencer. Ben, c'est ça, j'étais curieux, j'étais content qu'on revoie le film, parce que je me rappelais vaguement du film. Tu sais, je m'avais pas laissé une grosse impression à l'époque. J'avais une scène qui me revenait tout le temps en tête, puis c'était la scène du salon funéraire avec le cercueil tombé, puis tout. Ça, c'était la seule image que je gardais dans ma tête de Dead Silence. Même pas la poupée, en fait. Je savais qu'il y avait une poupée, mais... Ça fait très l'été de mes 13 ans, hein. Moi, mes 11 ans, ouais. De mes 11 ans, ouais. Ouais, mais en tout cas, dans l'été de mes 11 ans, j'avais pas le goût de me faire dessus. Non, puis je la trouve encore super efficace, cette scène-là. Sérieusement, moi, c'est le bout dans le film, honnêtement, que je préfère encore, là, ouais. C'est le petit 2 minutes, là, avec la petite vieille que je trouve le plus efficace, selon moi. La scène de l'innocence de l'enfant qui s'en va, puis tu fais comme, man, fais pas ça. Man, fais pas ça. Tu sais, là, que tu te dis... Tu sais, puis ça fait partie de l'idée du flashback, là. Tu sais, là, quelqu'un... Je vais te raconter un flashback de quelque chose d'épouvantable qui m'est déjà arrivé. Fait que tu sais qu'en plus, ça va être épouvantable, ce qui s'en vient, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a comme un build-up, là, qui est comme nécessaire, là, qui est bien fait. J'avais oublié la scène d'ouverture du film, puis je trouvais ça dommage, là, tout le reste du film, que la femme soit morte, parce que je la trouvais vraiment plus intéressante que son chum. Lui, j'ai pas écouté True Blood, fait que je m'en sacrais de ce gars-là. Tout le long du film, il y a pas d'émotion dans le visage, il y a pas d'expression, il y a rien, il est plate comme. Il y a des petits yeux de chien battu, c'est que ça. C'est que ça, tu sais. Mais dans True Blood aussi, c'est pour ça que je dis que t'as un gosse. Mais je l'aimais dans True Blood, son personnage. Il a un côté naïf, je sais pas, je le trouvais charismatique. Il est plate à suivre dans Dead Silence, je trouve. Il est supposé faire avancer l'histoire, c'est notre héros, puis je m'attache jamais à lui. Puis c'est ça, Donnie Wahlberg, ben, tu sais, moi, je me cache pas, là, de le dire, j'ai toujours dit, j'étais un fan des New Kids on the Block, je l'ai vu sur scène avec son groupe plusieurs fois, mais là-dedans, il est dol. Puis c'est un bon acteur, tu sais, je l'avais bien aimé dans Dreamcatcher, puis dans les premières minutes de Sixth Sense, des trucs comme ça, tu sais, c'est un bon acteur, mais même dans les ça, dans lesquels il a joué, dans des cadences 2 puis 3, je pense, il est meilleur que ça, mais là, il est cabotin. Puis que, je pense que Steven l'a dit, tu sais, quand tu as dit qu'il y avait des, il y a eu des coupures au niveau du montage ou du scénario, je sais pas trop, ça explique beaucoup de choses. Parce que le film, il est inconsistant. T'sais, on rencontre le père à un moment donné, puis la belle-mère, puis on les perd de vue pendant un méchant bout de temps, puis j'avais oublié qu'ils existaient, ben même à un moment donné, là, on les revoit à un moment donné, puis je suis comme, OK, c'est vrai, il y avait ces personnages-là. Puis je sais pas, je perds intérêt, moi, dans ce film-là. Hier, en plus, moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience de cinéma, je l'ai regardé hier soir, puis j'ai attendu qu'il fasse noir, toute la journée, je me suis dit, je vais attendre de l'écouter genre à 9h, 10h le soir, qu'il fasse noir, je vais être des meilleures conditions, en plus je suis tout seul, ma blonde n'est pas là, fait, je vais être tout seul dans le noir, dans mon salon, puis je me suis emmerdé sérieusement, là. À part la scène du début, avec la fille qui se fait tuer, puis la scène du salon funéraire, moi, il y a vraiment pas grand-chose qui m'a accroché là-dedans. Je me suis rappelé pourquoi je l'avais pas retenu à l'époque. C'est qu'il est pas, il est pas mémorable, je trouve, ce film. C'est comme Steven dit, là, je comprends mieux maintenant que tu l'expliques, quand tu dis que c'est un hommage un peu à Edgar Allan Poe, puis à ses héros, puis la Hammer, puis tout ça, que je comprends mieux. Là, c'est James Wan qui est jeune réalisateur à ce moment-là, puis qui essaie de rendre hommage à tout ce qu'il aime, puis qui développe son style, mais son style n'est pas vraiment développé, tu sais. Son personnage cabotin, ben on en a vu d'autres dans ses autres films, des personnages comiques, tu sais. Je pense que dans Insidious, la gang de chercheurs, puis dans Conjuring aussi, il y a tout le temps des personnages comiques dans ses films, mais c'est mieux amené souvent. Pas, ils sont plus dosés, puis ils sont moins... Ouais. Ben, le côté cabotin fait moins... est moins gossant, il est plus réaliste, je sais pas comment dire. Ouais, c'est amusant que... Aussi. Ouais. Puis ils utilisent pas pour driver son histoire aussi. Non, non, c'est ça. Ah, mais moi, c'est ça que je pense, c'est qu'il a vraiment voulu faire une histoire de poupée, puis il a été mis... Il a dû rajouter. Puis à un certain moment donné, il était peut-être pris avec les rajouts. Moi, c'était le personnage de policier-là, là, je sens tellement qu'il a été rajouté à l'histoire. Là. Really, là? Après qu'on l'ait vu dans le poste de police, là. Why? On le voit au tout début, puis il dit, moi, je pense que c'est toi le coupable. OK, tu sais. Mais il retourne dans la ville. Hey, je t'ai dit de pas quitter la ville. À un moment donné, il est dans sa chambre d'hôtel tout seul. C'est comme, what the fuck? Non, va-t'en, t'es qui, toi? Tu mènes une enquête, mais de front avec le coupable. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, t'as pas de partenaire. Ouais, puis tu sais, comme, fouille l'appartement. Fouille le passé de la fille. Ben oui, peut-être c'est son chum, mais tu sais, c'est comme, au pire, suis-le, mais, ah non, moi, j'ai trouvé que ce personnage-là a vraiment été rajouté là, dans le scénario, puis on y a rajouté des scènes, là. Puis le pire, c'est que dans l'interview, le producteur était pas coupé, puis à un moment donné, il est comme, ben là, c'est parce que mon film, il va tellement être rendu court que ça serait même plus la durée d'un film, là. Fait que j'imagine qu'ils ont vraiment coupé du stock au point que ça c'était vraiment pas supposé durer 1h30, là. Ou dans une version plus étoffée du scénario, peut-être que le personnage du policier aurait pu avoir une connexion avec la ville, oui. puis avoir une raison pourquoi est-ce qu'il a suivi ce gars-là, là, tu sais, à cet endroit-là. Ou, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, fais-les découvrir le mystère avant, tu sais, fais-le être témoin du mystère avant la fin, pour qu'il embarque dans l'enquête plutôt que d'être le gars qui veut tout le temps y mettre des bâtons dans les roues, tu sais. Ouais. Puis ça, les scènes de peur, ça fonctionne encore. Sauf que, comme Steven disait, ça a vieilli. On a vu beaucoup d'autres choses depuis. Puis que, tu sais, ça... Tu t'y attends. Puis, tu sais, le fait que je l'avais déjà vu, fait que j'avais... Tu sais, quand on a vu Bob Gunton, le réalisateur qui fait le père, qui est un très, très bon acteur en plus, que j'adore cet acteur-là. Il faisait le chef de la prison de Shawshank. J'adore ce gars-là. En tout cas... Quand on l'a vu, je me suis rappelé de son spoiler, là, tu sais, de son twist. Ça me revenait au fur et à mesure. J'étais comme, OK, je vois tout arriver. Puis tu sais, il y a des pauses qui sont là juste pour te faire peur. Quand le photographe prend en photo la blonde qui vient de mourir au début, puis qu'on voit avec le flash, on voit son visage pendant 2 secondes. Je suis comme, pendant une fraction de seconde, c'est un petit effet de montage qui marche plus vraiment. En tout cas, je m'y attendais, puis je savais que ça... Ouais. Comme c'est juste pour te faire faire un saut une autre fois. Puis il y a beaucoup de trucs comme ça. Puis je me rappelle que quand Conjuring, le premier, est sorti, je pense que à ce moment-là, j'étais juste encore un auditeur d'Horror Gamer. Puis il me semble que c'est Seb qui disait que James Wan était bon pour nous déjouer. Il déjoue nos attentes. T'sais, au lieu de nous faire faire des. Au lieu d'avoir des jumpscares là où on pense, il arrive un petit peu plus tard des fois dans la scène. Il arrive là où on s'y attend plus. Sauf que dans Dead Silence, ils arrivent exactement là où je m'y attends, tu sais. Ah oh, ouais, t'es capable de compter. Un, deux, trois. Non! Ah! Il est très bon pour utiliser le silence, oui, mais les zones noires, les zones de noirceur, tu sais, comme je disais, tu sais, ben, comme on t'a fait la comparaison, Steven, avec Lights Out, la lumière qui allume, qui éteint, tu sais, justement, de la scène que je parlais tantôt du salon funéraire, c'est ça. Puis il y a des trucs comme ça, tu sais, les personnages dans les zones sombres, on trouve ça dans Conjuring 2 aussi. Fait que ça, il maîtrisait ça déjà à ce moment-là, tu sais. Mais c'est ça, en gros, moi, je le trouve pas super mémorable. Puis vers la fin, hier, sérieusement, là, je m'emmerdais. Vraiment, puis je suis en train de me bâtir une réputation de gars qui dort devant tous les films, mais je dormais vers la fin de la dernière demi-heure, je m'endormais, puis je me calissais de tout ce qui se passait. Fait que tantôt, avant l'enregistrement, avant l'enregistrement, tantôt, vous parliez de la fin, puis vous montriez des scènes alternatives, puis moi, j'ai fallu que j'aille faire un petit fast-forward dans les dernières demi-heures pour voir ce qui se passait, puis je m'en souvenais plus vraiment. Fait que puis je l'ai écouté hier soir. Mais tu sais, moi, je pense que faut pas se laisser distraire justement par les personnages secondaires ou même par le personnage principal. Parce que moi, sérieux, là, je vais laisser Sam parler, mais je trouve que c'est l'histoire de la poupée. Puis concentre-toi sur l'histoire de la poupée, c'est là que c'est fréquent. Concentre-toi sur l'histoire de Mary Shaw, c'est là que c'est fréquent. Tu sais, le policier, on s'entend, là, à partir du moment où il a quitté la station de police puis a décidé de s'intéresser à lui, désolé du spoiler, mais tu sais qu'il va crever. C'est comme évident. Tu sais que ça va être de la chair parce que il faut que mais tu le sais, moi je l'ai dit, j'ai su à partir du moment où que dans l'interview, l'entretien au poste de police, tu sais, il dit je le sais que c'est toi, t'es mon seul suspect, non pas le même là, je paraphrase. Je sais que c'est toi, t'es mon seul suspect, puis je vais le prouver parce que personne d'autre aurait pu le faire. Fait que là tu te dis bon ben la seule manière que notre héros s'en sort, c'est que lui il crève. Fait qu'il va crever. Il est même pas sorti du poste de police, puis tu sais qu'il va crever. Fait que tu sais, il va crever. Et moi, je me suis comme pas tardé à lui, puis à chaque fois qu'il revenait, je fais « Ah, c'est vrai, il existe, lui. Ah, c'est vrai, il est dans le film. Ah oui, c'est vrai, il donne des répliques à lui. Ah, il a un salaire, lui, ça a l'air. » Tu sais, c'est comme, on aurait dit que ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir l'histoire de la poupée, puis jusqu'à où elle va se rendre. Ben, tu vois, moi, en le voyant hier, je me disais « J'aurais aimé ça voir plus de scènes avec la belle-mère puis le père. » Puis si je me fie à ce que Sébastien m'a dit tout à l'heure de la fin alternative, on aurait pu en voir plus. Mais en parlera tantôt. Yes. Ben écoutez, je vais rajouter mon grain de sel, mais vous avez pas mal dit ce que je pensais. Mais je vais rajouter avec ce que Steven parlait tantôt le côté MTV de ça. Parce que oui, quand on écoute ça ou Décadence pour nos auditeurs français, c'est fou la réalisation MTV. Puis quand on dit MTV, c'est montage rapide, caméra un peu croche, zoom in, zoom out, effet de rapidité, tout ça. Dans Décadence, c'est épouvantable. Puis dans Dead Silence, tu sens qu'il s'est calmé, qu'il essaie de faire autre chose. Mais de temps en temps, il y a des scènes où ce que ça vient polluer le film, ça. Il y a des petits effets de tu vas aller film super vite pour t'en faire comme t'es comme, ah non, urk. Ou des fois, des angles de caméra que tu fais, sérieux, là, t'étais-tu obligé d'y aller avec des choses bizarres de même, des raccords weird avec, je vais te montrer une photo sur le mur, c'est un plat de la ville, mais je vais zoomer dessus, puis là, on va voir le char se promener. Je suis comme, ah, tu sais, non, c'est pas ça. Si tu veux me faire un feeling réaliste, puis dark, même pas des effets cool, tu sais, mais puis Jeff t'a exactement redit ce que j'avais dit pour Conjuring, c'est que avec le temps James Wan a appris à vraiment se débarrasser de cette façon de faire là. Dans Dead Silence, c'est vraiment, je pense, que c'est le film dans lequel ça vient plus le polluer, parce que dans Décadence, dans ça, c'est cool, ça fait partie de Décadence. Ouais, suite à ce que tu viens de dire, moi, malgré tout ça, je recommanderais de revoir Décadence avant. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là, mais dans ma tête, je le vois très bien au complet le film, puis je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai vu plusieurs fois, puis je trouve qu'il est meilleur. Puis oui, Dead Silence n'est qu'une succession de trucs épeurants. On se fout de l'histoire, on se fout des personnages, on se fout de leur sort. Tout n'est que prétexte à faire une scène épeurante après l'autre. Sauf qu'il y a certaines scènes dont le prétexte, tu fais comme non, non, non, non, non, non, non. Je m'excuse, la scène de l'hôtel est peut-être efficace, mais qui c'est qui va aller prendre une poupée dont il a peur et l'asseoir sur la table de la chambre d'hôtel devant le spot de lumière qui flash rouge, tu sais. Comment ça se fait que cette poupée-là est pas dans le coffre du char 95% du temps du film, tu sais? Très bonne question. Le gars, là, au début, là, il avoue puis il fait « J'aime pas les poupées de même, ça me fait peur. Il y a une histoire dans mon village qui dit que blablabla, bla, bla, bla, bla, c'est un mauvais sort. Puis sa blonde meurt, tu sais. Puis clairement, il associe la poupée à la mort de sa blonde. Mais quand il fait du char, il l'assied à côté de lui sur le siège du passager. Ben non, man. Ben non, tu fais pas ça. Tu peux pas faire ça. C'est impossible, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'il faut que j'aille l'enterrer dans le cimetière. Je vais y aller pendant la nuit. Non, tu iras pas pendant la nuit, man. Tu sais, t'as la chienne de cette poupée-là. Tu sais qu'il y a des trucs bizarres. Non, tu vas pas l'enterrer pendant la nuit. Mais tu sais, si t'essayes d'enlever ça, là, parce que c'est épouvantable, comme ça a juste pas de sens d'ajouter ça dans ce film-là. Si tu fais abstraction de ça, puis tu fais juste dire, j'écoute ce film-là parce que, exactement ce que Vicky a dit, j'écoute ce film-là parce que j'ai le goût d'avoir peur. C'est pour ça que j'écoute ce film-là. J'écoute pas ce film-là comme j'écoute The Witch. J'écoute pas ce film-là comme j'écoute Babadook ou peu importe lequel. Name it, là, un matin, j'ai écouté Wake and Fright, que c'est un plus de l'horreur psychologique, tu sais. T'écoutes pas un film comme t'écoutes pas Dead Silence comme t'écoutes ces films-là. Si tu pars avec l'idée que je vais aller écouter quelque chose de raffiné, ben, tu pars déjà avec une prise, tu sais. Puis oui, ça peut finir par taper ses nerfs. Puis moi, c'était la troisième fois que je le voyais. Puis ces choses-là ont commencé à me taper ses nerfs, sauf que j'ai eu l'avantage de l'écouter avec ma blonde qui le voyait pour la première fois. Fait qu'elle, je la voyais avoir la chienne, tu sais. Moi, je savais que la scène du salon mortuaire s'en venait. Tu sais, je savais que la scène où il rentre comme en dessous de le panneau dans le salon mortuaire s'en venait. Tu sais, je savais tout ça, ces scènes-là. Je savais la scène du flashback dans le théâtre qui est vraiment, comme tu dis, Steven, devrait être une grosse partie du film, tu sais. Ouais. Tu sais, je savais tout ça, puis je voyais ma blonde réagir, fait comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Mais c'est ça, une chance que j'avais ça, parce que j'aurais pas été au point de Jeff de m'endormir sur le film, mais probablement que j'aurais moins apprécié ce film-là. Mais sincèrement, comparé à la crap qui sortait côté film de fantôme à cette époque-là. C'est très supérieur à ce qui sortait. On pourra dire ce qu'on veut sur ce film-là. Oui, c'est du pré-marché déjà vu pour traîner bien des affaires, là. Mais il y a certaines scènes qui m'ont marqué puis qui vont encore me marquer, là. Justement, cette scène-là du sang mortuaire. Le début, je le regardais puis je savourais chaque instant du début parce qu'en plus, je pense que c'est là où ce qui maîtrise encore le mieux tout son effet de tous les éléments qui le volume arrête, tu sais, puis là ça devient du silence, puis t'as juste une voix, tu sais, puis le chum qui arrive, puis qu'il entend sa blonde, tu sais, puis là que t'es juste comme oh my god que c'est freak, puis tu sais, tu te dis j'entends ma blonde m'appeler, mais quand je regarde en dessous des draps c'est elle qui est morte, puis là tu dois te dire ouais mais shit, elle m'a parlé, que c'est ça, tu sais, cette scène là tout ça, ce build up là était écœurant, hein. Mais il y a plein d'autres scènes que tu fais comme... mais c'est ça. Je pense que ça reste une curiosité à voir. Mais je le place plus bas que je me souvenais dans la filmographie de James Wan. Alors voilà. Donc, je pense qu'on a dit tout. Pour ceux qui veulent écouter la section spoilers, on a changé notre façon de faire. Je ne demande plus les timecodes à JF. C'était peut-être un peu compliqué, puis en plus pour ceux qui n'avaient pas vu le film, c'était peut-être probablement tannant de skipper une section du podcast. Donc ça va être à la fin de l'épisode, après la conclusion, il y aura une petite section spoilers où on va parler de la fin de Dead Silence, et ainsi que peut-être sa fin alternative qui a des éléments quand même intéressants. Sur ce, vos grandes recommandations, les amis, Vicky? Moi je suis partie, je m'endors. Ta recommandation, à écouter un soir qui fait noir. Ben, il fait tout le temps noir le soir. À écouter le soir dans le noir. OK, mais est-ce que tu l'achèterais? Ben, il est encore sur Netflix? Je crois. Oui. Oui? Bon, ben, Netflix. Good. Netflix. Moi, Netflix aussi. Ouais. Pas plus que ça. Ouais. Steven? Je dirais un achat parce qu'il est vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver pour 5$, puis c'est quand même un film efficace, malgré que je dis que c'est le film que je préfère le moins de James Wan. Je veux pas forcément... Je sais que c'est un film brouillon et qu'il y a eu beaucoup de problèmes, mais je trouve que globalement, ça reste un film quand même sympathique à écouter avec des bons moments. Là. Good. Et moi, je vais y aller quand même avec l'achat malgré ce que j'ai dit, parce que je pense que c'est un film à avoir dans sa filmographie, sa bibliothèque. Ma blonde, elle a eu peur. Oui, ma blonde a eu peur. Ça peut être efficace. Oui, oui, oui, c'est ça. Puis ça reste que c'est le genre de film que je sais qu'à un moment donné, je vais vouloir le revoir parce que je vais me rappeler, je vais avoir oublié que je l'aimais plus tant que ça. Et je vais me dire, il me semble que Asti, j'ai eu de la chienne sur certaines passes, fait que je vais vouloir le réécouter. Donc, voilà, non, ben moi, de toute façon, il est déjà dans ma collection, puis c'est la troisième fois qu'il sert, donc c'est pas un achat que je regrette. Sur ce, avant de passer à notre prochain film, Conjuring 2, on a notre ami Emmanuel Ouellet du podcast Radio Enfer 666, et non Carl Le Cacharet. Bon, je pense qu'on va le dire à toutes les fois. Juste. Puis pour nos auditeurs français qui connaissent pas Carl Le Cacharet, tapez Radio Enfer Télévision, quelque chose comme ça, sur YouTube. Vous verrez que ça fait référence à une émission jeunesse de votre côté. Et ça n'a rien à voir avec le podcast Radio Enfer 666. Le gars de Radio d'Enfer, c'est un Québécois ou c'est un Français? Un Québécois? Québécois. Il a pas pensé à son enfant ou? Hein? Ben, c'est Radio Enfer 666, c'est différent. Là, ouais, puis je pense que ça aurait pu faire référence à ça. Ouais. Ça fait référence à ça, là. C'est pas comme, oui. Oh fuck, je parle. Non, moi, Emmanuel, dis-nous-les, là, si tu t'es rendu compte par la suite. Il y avait une émission qui s'appelait Radio Enfer, mais je pense qu'il le savait déjà. OK. Et sur ça, Emmanuel, dis-nous donc, qu'est-ce qu'on écoute? Salut, c'est Manu du podcast Metal Radio Enfer 666. Pour cet interlude musical, on va aller écouter du Ghost avec la chanson Âme Marionnette, qui est une reprise du groupe ABBA. Oui, oui, ceux qui ont fait Dancing Queen. Et donc, si vous êtes fan de Ghost, ils seront au Metropolis le vendredi 11 novembre 2016. Ne manquez pas ça. Et surtout, bonne chanson! We'll be right back. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. The Conjuring 2, qui est la suite du 1, mais qui est aussi la suite de Annabelle, parce qu'on fait quand même des petites apparitions d'Annabelle. Je pense qu'on veut quand même lier toutes ces histoires-là ensemble. Alors, The Conjuring, on suit vraiment le couple Warren qu'on a découvert un peu dans le premier film. C'est eux qui sont les scientifiques qui ont enquêté sur l'histoire de la famille dans le premier film. Alors là, ils font un peu des tournées télévisuelles, puis ils apparaissent dans les médias, mais elle, la femme du Warren, a un mauvais pressentiment. Elle dit là, c'est fini. On est allé trop loin, on a fait chier le démon trop, puis lui, il me court après, fais-moi confiance, on continue pas. Sauf qu'en parallèle à ça, il y a une jeune fille qui commence à être possédée un peu, puis une maison aussi en général qui vit la présence de fantômes, et les Warren sont mis en contact avec cette famille-là, voyant que ça peut pas continuer, donc on met les Warren sur le dossier. Les Warren viennent enquêter et ils disent qu'il faut avoir des preuves solides, considérant que la maison et la jeune fille auraient peut-être besoin d'un exorcisme, mais pour que l'église embarque, faut que ce soit solide. On peut pas leur arriver qu'une idée de peut-être que. Alors, ils enquêtent. Plus l'enquête avance, plus il y a des manifestations et on constate que le démon que la femme Warren ressentait au début alors qu'elle était aux États-Unis, elle le ressent à Londres. Encore une fois, elle se dit, c'est ce démon-là, il nous court après, puis c'est au travers de cet appartement-là qu'il va venir nous chercher. On est en danger, il faut quitter, mais en même temps, il y a le malaise de, on doit aider cette famille. Et au final, ben c'est ça, on se demande si les Warren vont aider la famille. Est-ce que la jeune fille aussi met tout ça en scène? C'est une question qui flotte tout le long du film. Est-ce que c'est des mises en scène ou elle est vraiment possédée par un fantôme? Et on se rend compte que le fantôme est un démon qui prend la forme d'une nonne diabolique qui fait peur du calice. Fait que je pense que c'est pas mal ça le résumé du film. C'est un film de 2016. OK. De James Wan. OK. Écrit par James Wan. Et Lee Wan Hill. Non. Oui, non. Je sais plus. Pas écrit par moi. C'est-tu vrai? Je garantis que j'ai pas écrit une ligne de ce film. Sinon, il y aurait une fille avec une tache de tampon qui ferait une joke de quoi. Voilà! Oh, broy. Non, mais écoute, je regarde pour le fun, là, son genre 5-6 sur le scénario. Mm-hmm. OK, étonne. Ouais. Carrie Hayes, Chad Hayes, James Wan, David Leslie. OK, 4. De toute façon, ça veut plus rien dire, ça. Tu regardes Police Academy 5, son 6 sur le scénario, puis Chris, je comprends pas, là. Fait que... Hey, Jeff? Oui? Veux-tu nous commencer ça? Ouais, ben, j'ai le goût de vous lire un peu ce que j'avais écrit à Seb en privé. Je viens juste de le retrouver. J'ai un flash. Tu m'avais demandé mon opinion, genre, le 13. Ouais, c'est dans le temps qu'on savait pas si on avait fait un épisode là-dessus. Gang de crosseurs. Moi, ouais, j'attendais, tout est patient, vous autres, vous connaissez vos opinions. C'est pas juste. On s'en est jasé. Sous la couverte. Parce que ça va être plus clair comme ça, mon opinion, si je la lis, ça va être moins brouillon. Fait que je vais le lire. Le film a un gros défaut, si on peut appeler ça de même. C'est un facsimilé du premier. La maison est quasiment pareille. Il y a des enfants traumatisés, une mère décontenancée, etc., etc. C'est du copier-coller. Mais si ce n'était pas de ça, le film était sorti en 2012 à la place du premier, on dirait que le film est du génie puis que c'est un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. On dirait les mêmes choses qu'on a dites du premier. Son gros problème, c'est qu'il va toujours souffrir de comparaison. C'est le deuxième enfant. On l'aime, mais c'est pas le premier. L'effet de nouveauté est parti. Ceci dit, si le premier n'existe pas, celui-là est tout aussi efficace, sinon plus. Je pense que je préfère encore le premier, mais la nonne et le Crooked Man sont des images très très fortes. Et ma scène préférée dans The Conjuring 2 est celle de l'interrogatoire entre Ed et Janet, qui devient le vieux bonhomme hors focus. C'est génial comme idée. C'est malade. Je ne sais pas si le film va marquer les esprits comme le premier. Les 5 premières minutes du premier film avec Annabelle ont beaucoup fait jaser le monde avant qu'Annabelle ait son propre film et que ça ternisse un peu l'impression qu'elle avait laissée dans The Conjuring. Parce que le début du 2 est vraiment pas aussi fort selon moi. Je vois mal la connexion entre Amityville et Enfield, entre le démon slash nun et Lorraine. Les motivations du démon ne sont jamais vraiment expliquées, ou du moins c'est pas clair. C'est ce que je reprochais le plus au film. Sinon, top notch, c'est très fort. J'étais un gros fan du premier, j'en suis encore un, et je recommanderais fortement le 2. Moi, j'ai déjà des recommandations. J'ignore encore lequel j'avais préféré au fil du temps. En ce moment, dans ma tête, le premier l'emporte sur le 2 juste parce qu'il était original. Le 2 est trop près du premier en termes de style et de tout. Il aurait pu déroger un peu de la formule, juste un peu. Deux semaines plus tard, j'étais encore de cet avis-là, puis même que je me dis, j'ai réécouté j'ai écouté pour la première fois et la seule fois l'opinion de notre amie Regina dans le podcast Mystère de Guy, que je pense que ça s'appelle. Et ouais. J'étais un peu d'accord que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de redites, ce film-là. Mon opinion a peut-être changé un peu avec les deux dernières semaines, donc c'est vraiment beaucoup de redites, puis c'est un peu... Ça reste ça le gros problème de ce film-là, selon moi, c'est... Il fait juste utiliser les mêmes affaires que Conjuring 1, puis il aurait pu essayer d'amener ça plus loin, tu sais. J'aime toujours la relation entre Ed puis Lauren, puis même si la petite scène est vraiment cheesy, mais la scène où ce que Ed chante, j'ai trouvé ça cute. J'aime beaucoup voir Vera Farmiga acter anyway dans n'importe quoi, puis là-dedans, juste cette petite scène-là, tu sens tout son amour pour Ed, là, puis ça, j'ai aimé ça, mais... Puis, ben c'est ça, comme j'ai dit, là, le Crooked Nun, Crooked Man, la nonne, c'est cette affaire-là, la Crooked Nun. Après de la coke, la nonne. La Crooked Nun. Puis, ben c'est ça, je me répète, puis dans le fond, c'est correct, c'est bon, c'est efficace, ça fait un très bon film d'horreur, mais il est trop proche dans tout son scénario, son approche, tout ça, que du premier, tu sais, on a plus ou moins au pas de surprise même, tu sais, par rapport à... Tu sais, si t'as vu le premier, t'as vu quasiment le deux, là, tu sais. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Je suis curieux de vous entendre. Je vais suivre. Avec le temps, j'y ai réfléchi parce que, bon, on s'en est jasé, puis je me souviens que tu m'avais dit ça, puis j'étais comme, ah ouais, proche du premier. Et là, je me disais, oui et non. Parce que il y a toute la longue séquence de quand est-ce que les Warren vont arriver. Cette famille-là est laissée à elle-même vraiment longtemps, beaucoup plus que dans le premier. Et je dirais, si on fait un film d'horreur à la base qui est basé sur une histoire vraie, je pense que 90% des histoires vraies de familles hantées par un fantôme dans leur maison, c'est cette mécanique-là. Ouais. La famille va avoir des affaires. Il y a une personne qui va être au courant. Après ça, tout le monde va être au courant. Vite, on appelle quelqu'un qui va venir nous aider. La personne qui va venir nous aider va être témoin de l'affaire. On va découvrir un peu plus ce qui se passe. Et finalement, on va résoudre le mystère ou non. On peut pas déroger de ça si on décide qu'on fait des films qui se basent sur des histoires vraies. Et ça, je pense que c'est pas un handicap. Parce que si on déroge de ça, le côté histoire vraie va finir par prendre le bord, on va faire comme dans The Entity. On va dire comme, hey, fuck you le film, si tu me prends-tu pas un imbécile. Tandis que là-dedans, je trouve que le film réussit à garder son style histoire vraie. J'ai aimé ça que les médias embarquent dans cette histoire-là. J'ai aimé ça que ce soit pas juste les Warren qui aiment les autres médiums, qui aient le médium qui croit pas à ça, qui aient le médium qui y croit, mais que lui, il y croit parce que sa fille est morte. Puis il veut croire que ça existe parce que il aimerait ça savoir que sa fille est encore vivante à quelque part, tu sais. Il y avait plein de petites histoires comme ça avec lui. Comme tu l'as dit, l'histoire de la famille qui ont perdu leur père, tout ça. Même si c'était pas des affaires qui étaient vraiment importantes au scénario, je trouvais que c'était juste bien dosé pour que quand ça arrivait, tu faisais comme « Ah, c'est cute », tu sais. Toute la scène de où est-ce que Ed joue de la guitare, là, dans cette scène-là, il n'y a pas de dialogue, mais qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que cette famille-là s'ennuie d'être une famille. Ouais. La toune qu'il joue, c'est une des tounes préférées de cette famille-là parce que leur père écoutait beaucoup d'Elvis Presley. Puis t'as Lauren qui, elle, sait que sont en danger là, puis elle regarde son mari, puis elle se dit, mais mon Dieu, j'ai donc bien le mari le plus sweet de la planète. T'sais. Fait que, tu sais, dans cette scène-là, il y a plein de choses qui passent. Moi, je vois pas de la maladresse là-dedans. Moi, je vois de la qualité, tu sais. Il y a eu de la qualité dans son horreur, parce que dans son horreur, là-dedans, on perd. Le côté MTV n'existe plus, là. Ouais. Je trouve qu'il manque sa shot sur certaines scènes d'horreur comparées à The Conjuring, où ce que quand tu disais que des fois, il me surprenait dans Conjuring 1, dans celui-là, des fois, il arrivait au moment où je m'y attendais. Mais même quand il arrivait au moment où j'y attendais, des fois, il le faisait de façon que je m'y attendais pas. Genre, OK, on va faire le saut là. Oh mon Dieu, c'est pas ça que je m'attendais. Tu sais, fait que finalement il me surprenait pareil. Tu sais, je pense à la scène où ce que la fille est pognée dans la chambre, la porte est barrée, puis il essaie d'ouvrir la porte. Tu sais clairement que tu vas voir quelque chose à travers la porte. Mais même quand je l'ai vu, j'ai comme fait oh tabarnak. Tu sais, et le film faisait tout le temps faire ça. Tu sais, j'étais comme ah oh, oui, ok, je sais que tu vas me faire peur, je sais que tu vas me faire peur. Asti, tu m'as fait peur, mon maudit. Tu sais, avec James Wan, je veux avoir peur. Ouais. Je veux pas un scénario. Je m'en fous de son scénario. Il y avait des plot holes, tu sais. Il y avait des trucs qui marchaient pas. Il y a des trucs qui sont là forcés pour faire avancer l'histoire, tu sais. Mais en bout de ligne, là, l'histoire, là, on se la raconte, là, mais j'ai pas retenu grand chose de cette histoire-là parce que je m'en foutais. Tu sais, pas parce que je m'en foutais. Parce que, j'étais pas là pour ça. J'étais là comme quand on va voir un gros film d'action de blockbuster d'été. Je m'en allais voir The Conjuring 2 parce que je voulais que James Wan fasse comme « Man, assis-toi, t'es là pour une ride, on va te faire peur. » Puis c'est exactement ça qui s'est passé. James Wan m'a pris, il m'a dit « Man, attelle-toi, tu vas avoir la chienne, tu vas faire le saut, tu vas... » il va y avoir des séquences qui vont te foutre de frissons dans le dos. Je m'excuse, mais la scène de Lauren quand elle est dans son genre de bibliothèque et t'as l'ombre de la nonne sur le mur. Et là, tu sais, ça, là, on joue pas dans le jumpscare ou quoi que ce soit, là. C'est comme, garde, t'as peur, man. Et là, t'as encore peur. Et là, c'est encore effrayant. Et là, tu vois. Là, c'est encore plus effrayant. Et tu sais pas où est-ce que je m'en vais, man. T'es pas en train de deviner pas tout ce que je m'en vais. Tu sais, là, t'es juste comme, man, tu t'en vas. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais avec cette scène-là? Je sais pas tout ce qui qu'est-ce qui se passe? Moi, ça, là, c'est le genre de scène que j'adore que James Wan est capable de faire, qu'il nous a fait avec Insidious, avec son petit gars qui courait partout dans la maison, ou quand il était dans le genre de monde avec tous les personnages qui étaient en statue là, dans Insidious 1, que tu étais comme « Man, qu'est-ce qui se passe? On est où? J'ai la chienne. » Ou dans Conjuring 1, toute la séquence où ce qu'il joue à taper dans les mains, où ce que tu sais clairement qu'il va y avoir quelqu'un qui va taper dans les mains qui sera pas là, tu sais. Mais t'es juste comme « Ah, oh, c'est-tu que j'aime pas ça? » Tu sais, James Wan fait ça, tu sais. Puis quand il utilise des trucs qu'on a déjà vus, ben, il les utilise bien. Tu sais, je compte plus, là. Tu sais, quand je disais dans Dead Silence, je faisais comme 1, 2, 3, PAM! Dans Conjuring, tu fais comme 1, 2, 3, ah, oh, tu m'as eu là. C'est ça que j'aime avec The Conjuring. Toute la séquence de la petite fille qui est restée à la maison toute seule dans l'après-midi puis qu'elle écoute la télé, comme on a toutes déjà fait quand on était malade chez nous. Tu sais, cette séquence-là, là, moi, je l'ai trouvée écœurante. Tu l'as dit, la séquence de l'interview, tu sais, c'est un plan séquence. Oui. Toute l'horreur est hors champ, flou. C'est juste une voix avec quelque chose flou en arrière que tu fais comme Ah, oh, mon Dieu, il est en train de se passer quelque chose là. Que j'ai quelqu'un qui vienne me dire que ça, c'est du déjà vu. Non, c'est pas du déjà vu. Tu sais, c'est hyper original, ce genre de séquence-là. James Wan, c'est pas juste un gars qui prend les choses puis qui fait comme, ah, je vais tout remarcher ça puis je vais vomir ça dans la face. Non. Il est capable de réinventer. Puis quand il réinvente pas, c'est parce qu'il sait que ça fonctionne encore, tu sais. Il est pas là pour nous pondre un The Witch, tu sais. Je cherche mes mots, là. Mais c'est pas sa prétention. Il prétend pas réinventer The Witch, tu sais. Puis, si jamais il nous propose, oui, regardez, je vous fais un film beaucoup plus dark, subtil. Je vais vouloir qu'il me le fasse. Je veux voir qu'est-ce que James Wan fera avec ça. Mais pour l'instant, c'est pas ça qu'il nous offre. Puis quand il nous l'offre, ce qu'il nous offre là, il fait bien. Tu sais, il fait mieux que n'importe qui nous réalise des Ouija, des Annabelle, puis toutes ces mardes-là, tu sais. James Wan, il arrive, puis il fait comme « Moi aussi, je vais vous en faire un blockbuster. » Sauf que, par exemple, le mien va être supérieur à toutes les vôtres, tu sais. Fait que c'est ça que moi, j'aime avec James Wan. Puis The Conjuring 2, c'était ça. Oui, The Crooked Man, moi, c'était peut-être effrayant, mais son CGI faisait chier. Des éléments qui étaient un peu tirés par les cheveux. Son punch final, sa finale, j'ai trouvé très flat. Malgré qu'encore là, il nous a utilisé une séquence où ce que t'as un... Ça, c'est pas du déjà vu, là. Un personnage, pas le monstre, mais le personnage principal en first person, ça veut dire en point de vue de lui-même, alors qu'il voit flou, puis à travers sa vue, tu vois clairement qu'il y a des choses, puis t'es pas capable de les distinguer. Ça, j'étais comme, oh my god, oh shit, que c'est épouvantable. Tu sais, ça non plus, j'avais jamais vu ça ailleurs, à moins que quelqu'un me dise, non, check, il s'est inspiré tout à la fin. Pour moi, ça, c'était jamais vu. Fait que, tu sais, même s'il joue dans des terrains connus, il est tout le temps capable de faire comme, non, terrain connu, mais pas tant que ça. Fait que, en bout de ligne, moi, Conjuring 2, c'est juste une hostie de bonne ride qui m'a fait triper du début à la fin. J'ai été déçu quand j'ai lu les vrais faits de comparer à d'autres choses qu'on disait. La réalité est beaucoup plus plate que ce qu'on apprend dans le film. Mais justement, c'est ça. C'est que James Wan est capable de prendre de la réalité puis nous l'over-hyper puis nous mettre over the top tout en étant le gars qui maîtrise tout ça. Je vais laisser parler quelqu'un d'autre, mais je voulais juste rajouter quelque chose parce que ça m'a fait penser à toutes sortes d'affaires, mais juste pour clarifier, tu sais ça, moi je pense que c'est l'aspect vérité, l'aspect on prend une histoire vraie entre gros guillemets là, parce que moi je crois pas à ça. Je vais voir The Conjuring au cinéma pour avoir peur, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, on va voir des films de James Wan pour avoir peur. C'est pas pour me faire raconter, c'est pas tant pour l'histoire puis. Pas The Entity. Son histoire vraie m'intéresse pas tant que ça, puis je pense que ça lui nuit parce que là, il reprend la même structure que dans le premier film, comme je te dis, la famille, la maison, tout se ressemble, tout est pareil. Au pire, j'aurais aimé qu'il serait dans un autre setting, c'est ça que je voulais en fait, dans une autre affaire, tu sais, amène-moi ailleurs que dans une maison. Je sais pas. Je pense que là, le fait que c'était une suite à Conjuring 1, il était pogné avec les Warren. Ouais. Et là, ça, c'est une autre histoire, là, le monde qui chiale que les Warren n'ont jamais été dans cette. Mm-hmm. Dans cette enquête-là, si j'ai bien lu, mais là, il va falloir qu'on me corrige si c'est pas le cas. Après Conjuring 1, il y a eu une grosse poursuite contre les productions parce que il y a quelqu'un qui a tous les droits sur les histoires des Warren. Donc, on ne peut utiliser les histoires qui ont déjà été publiées par les Warren. Et The Conjuring 2 prend justement une histoire dans laquelle à peine ils ont rien fait, les Warren. Ils sont allés là une journée. Ed Warren est allé voir un des enquêteurs de la place, puis il a dit « Hey, toi puis moi, là, on se met ensemble, chummy, puis on écrit un livre, on va faire la pièce. » Puis le gars a fait « Non, moi j'enquête sérieux, va-t'en chez vous. » Sauf que bon, entre-temps, Ed puis Lauren ont quand même ramassé des faits. Là. Donc oui, c'est sûr que ce film-là, c'est de la shit, mais on en a même parlé, JF. Mané, Ed est en danger de mort, puis ça m'aurait pas dérangé qu'il meure, parce qu'en bout de ligne, ce film-là est tellement rendu hors de la réalité que. Ouais, je suppose. À ça, il faut qu'ils prennent des libertés parce que je pense que t'as raison. Il va s'emprisonner. S'ils décident de se faire un Conjuring 3, faut pas qu'ils refassent la même affaire. Mais je pense qu'il faut plus qu'ils fassent un Conjuring 3, faut juste qu'ils repartent encore en quelque nouvelle. Reste pas dans une maison nécessairement. Puis de toute façon, colle pas trop à la réalité. Je m'en fous un peu des Warren. Tout le monde dit que c'est des fraudeurs, puis des ci, puis des ça. Fait que c'est deux clowns. Tu sais, ils ont pas une si bonne réputation que ça. Puis je m'en fous. Ça aurait pu être, tu sais, Patrick Wilson puis Vera Farmiga auraient pu jouer des personnages complètement différents. C'est pas différents, mais ça aurait pu être des enquêteurs, mais pas être les Warren, puis ça aurait été aussi intéressant, puis il aurait pu inventer ses propres scénarios, puis aller être plus fou encore, mais tu sais, je sais pas. Je sais pas pourquoi je chiale, parce que j'ai aimé ça quand même dans l'ensemble, là, mais j'aimerais ça qu'il s'éloigne un petit peu plus de la structure, de maison, famille hantée, tout ça. Là. Ouais. Puis il fait ça dans Insidious aussi, de maison, famille hantée, tout ça, tu sais, c'est pas tout à fait pareil, on s'entend. Non, là, il pouvait pas nous faire avaler que c'était une histoire à part. Non. Il y a un démon Darth Maul qui est en train d'envahir. Je veux juste pas qu'il fasse ça pendant encore 10 ans, tu sais, des histoires de maison avec de famille avec une maison hantée. Je suis d'accord. Vraiment d'accord. Faut pas. Faut qu'il parte ailleurs à cette heure. Mais de toute façon, il nous fait Aquaman. Ah, ça, je savais pas. Ouais, son prochain film, c'est Aquaman. Steven? Ou Vicky? Steven. Vicky, elle s'endort, là. Ouais. Non. Vraiment pas. J'écoute Steven, go! Ben moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'affaire des histoires vraies. Moi, quand un film me sort cette phrase-là au début, là, je m'en contrefous parce que 90% du temps, c'est de la liberté et c'est aucunement vrai. Devil's Pass? Ouais, exactement. Fait que, honnêtement, moi, ça. Il y en a qui ont été scandalisés que Conjuring 2 soit pas assez fidèle au film. Honnêtement, moi, je m'en calisse. C'est pas ça que je venais voir. Je venais pas de voir de quoi qui se basait sur la réalité. Sinon, pour moi, The Conjuring 2, je vais y aller bien straight. C'est une suite qui est autant réussie que le premier et je ne suis pas capable de choisir un des deux. Je peux pas dire que Conjuring 2 est meilleur que le premier. Ils ont chacun leur pour et leur petit contre. Le premier, c'était plus un roller coaster non-stop de frayeur. Ouais. Ça arrête pas, t'as pas un moment de répit, c'est scène après scène après scène. Tandis que le deuxième, t'as plus de moments de répit, le rythme est moins soutenu, mais on a des personnages et un scénario mieux élaboré, mieux écrit selon moi, des personnages qu'on apprend à plus connaître que dans le premier Conjuring, et j'ai appris à plus les aimer que la première famille, même si j'ai beaucoup aimé la première famille du premier Conjuring. Et là-dessus, j'ai trouvé que le film était supérieur. Et c'est drôle parce qu'en même temps, comme le dit GF, oui, on peut voir à peu près la même structure que le premier film, mais moi, ça me gêne aucunement parce que on a beau, admettons, être saturé par les films de fantômes, James Wan trouve tout le temps un moyen de s'éloigner de la masse poche. Puis c'est justement dans sa réalisation qui est comme toujours vertuose qu'il arrive à se démarquer. Puis c'est ça qui est le fun. T'sais, James Wan, il est pas comme tous les autres films d'horreur de fantômes qu'on a eu dans les dernières années où il suffit pas juste de foutre un fantôme en face de la caméra pour offrir un film de frousse. Il faut prendre le temps de réfléchir, de savoir comment mettre l'horreur en scène. C'est dans les détails de la réalisation qui va faire toute la différence. Et c'est pour ça que Conjuring 2, même si on peut voir des trucs similaires au premier, qu'on pourrait dire « Ah ouais, c'est un copier-coller », arrive à se démarquer parce que toutes les apparitions ou toutes les scènes ont un nouveau détail dans sa réalisation qui fait en sorte que c'est pas du copier-coller puis c'est du jamais vu par moment, comme le disait si bien Sébastien. Juste la première... Premièrement, la réalisation de James Wan là-dedans est malade. Il a atteint un niveau où c'est clairement virtuose, puis j'ai rien à reprocher. Je disais que dans Dead Silence, les scènes en dehors des scènes de frayeur étaient réalisées de manière un peu plate et ils savaient pas trop. C'est tout le contraire ici. On fait juste nous présenter deux enfants à l'école. La caméra se promène partout de manière super fluide. Tout est calculé pour se rendre jusqu'à l'escalier où ils sont en train de fumer la cigarette en cachette. Vraiment, là, ou même quand on nous présente toute la famille dans la maison, c'est un putain de long plan séquence qui part de la rue, qui rentre dans la fenêtre de la maison, qui passe des cadrages, qui... Oui, vas-y, Sébastien. Ben, il faisait exactement ça dans le premier. Oui, c'est exactement comme ça. Quand il emménageait dans la maison, il faisait exactement ça. Mais tu vois, ça, c'est bon parce que déjà là, il te place la maison. Tu sais, c'est comme... T'as pas je sais où est la cuisine, je sais où est le salon. Puis c'est ça que ça te prend dans un film d'horreur, tu sais. Ouais. Soit, t'as deux choix. Soit tu me montres une maison que ça a l'air labyrinthique puis ça devient un peu angoissant, un peu. Je vais penser à l'original de The Hunting. Mm-hmm. Ce que j'avais déjà dit dans le podcast que moi, ce maison-là me fout la chienne parce que je suis incapable de faire une carte de cette maison-là puis je suis comme, waouh, j'ai l'impression que je trouverai jamais la sortie. Tandis que si tu veux me mettre de quoi de grounder dans la réalité, mais moi, une maison, ce que je suis capable de dire, quand tu montes les escaliers, la chambre de la mère est là, la chambre de la petite fille est là, tac, tac, tac, tac, tac. Fait que après ça, là, mon setup est là, tu m'as placé ton décor, go. 3 minutes, pas besoin de 20 minutes d'apprendre à voir les habitudes de famille puis à connaître la maison. 3 minutes de plan séquence, puis tu sais déjà où t'orienter dans la maison. Fait que moi, je trouve que l'idée de son plan séquence, comme il a refait dans le premier, mais sauf qu'ici, je trouve qu'il est encore plus élaboré. Tu vois que le gars, il est encore plus upgradé là-dedans. Moi, j'adore ça. Et la reconstitution de l'époque, vous l'avez pas mentionné, mais méchant travail au niveau de la photographie, du soundtrack, puis du visuel. Moi, je m'y croyais dans les années 70, puis j'avais pas l'impression que c'était un film qui avait été tourné aujourd'hui. La chambre des petites filles, si tu regardes les vraies photos, les posters, c'est les mêmes, aux mêmes places. Tu sais, là, c'est vraiment écœurant. Puis la plupart des posters, les jeunes dans la salle de cinéma que j'étais, savaient même pas c'était qui ces posters. C'est tellement drôle. Ben, le linge, la mère aussi, le tablier qu'elle porte. C'est comme tellement subtil. C'est vrai, à cette époque-là, on mettait tout le temps un maudit tablier parce qu'on travaillait dans la maison tout le temps. Ouais. Les gros sabots, le linge, en tout cas, tout ce qu'elle porte, là, les profs aussi, ce qu'elle apporte, le prof. Mm-hmm. C'est très, très réaliste. Puis c'est ça que je dis aussi, que le rythme est différent et moins in your face non-stop. J'aime plus les personnages, puis j'ai aimé après aller connaître plus cette famille-là qui était vraiment triste. Puis il n'y a aucun des cinq enfants, je pense qu'ils sont quatre ou cinq, qui sont laissés de côté. Ils ont tous leur moment, ils ont toute leur importance, je trouve pareil dans les scènes. Puis les Warren, moi, c'est pas forcément que j'aime les personnages. Je suis en amour avec ces deux acteurs-là. Et quand ils sont ensemble, j'y trouve leur chimie, c'est écœurant. Je crois que c'est un couple, puis je les aime vraiment. J'aime ça être avec eux. Leur présence à l'écran est vraiment superbe. Puis une de mes scènes favorites, ça arrive jamais pratiquement dans les films d'horreur. Puis je trouve justement, c'est une des qualités de Conjuring 2. Oui, c'est pas du non-stop contre le premier. Oui, c'est peut-être un peu moins effrayant et efficace que le premier, justement. Mais on a besoin de moments de répit. T'sais, un 2 heures intense là, à être sous stress puis à crier, à un moment donné, ça devient lourd. Moi, la scène de la guitare, c'est une de mes scènes favorites du film parce que elle fait du bien, elle te laisse reposer. Puis t'as pareil un moment de lueur dans cette famille-là, tandis que tout le long du film, ils sont dépressifs, sont en larmes, ils voient pas le bout du tunnel. Puis la maison est détruite. La maison est détruite. Puis t'as Patrick Wilson qui arrive avec sa guitare, puis en 3 minutes, il arrive à apporter un peu de soleil dans cette famille-là. Puis tu sais, je vois la mère dans le coin qui est quasiment en train de broyer, de voir ses enfants, que pendant un instant, sont capables d'être heureux puis d'être une famille normale. Moi, cette scène-là, on a beau dire que ça peut paraître cheesy, mais elle est vraiment bonne. Puis Patrick Wilson, ben il chante crissement bien. J'avais envie d'aller me chercher le cover après ça. On va te chercher le fantôme de l'opéra. Ouais. Je suis pas sûr de comprendre. Ah, c'est un autre combat. Hein? J'ai dit c'est un autre combat. Ok, je l'ai pas compris, celle-là. Ben, parce qu'il joue dans le film de Joel Schumacher. Ah, ouais. Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il chante très, très bien. Ok. Ouais, beaucoup mieux que Gérard Butler. Je vais peut-être le revoir pour ça. Mais tu sais, même une grenouille, il chante mieux que Gérard Butler. Fait. Puis, comme je disais, je trouvais que le scénario est que c'est mieux écrit, pas plus original, mais mieux écrit, dans le sens que James Wan utilise des patterns, des clichés qu'on pourrait voir, puis il va les détourner. James Wan aime ça, je vais être les codes. Et ici, c'est merveilleux de voir à quel point qu'on tombe pas dans le cliché de tout le monde va penser que la mère est folle, fait que personne ne voit rien, puis la mère, c'est juste une crise de folle. Non, la mère rentre dans la pièce, les enfants disent qu'il est arrivé de quoi, elle dit, ben non, ça va pas bien votre affaire, tout de suite le meuble bouge devant elle, c'est fini, la mère croit, elle l'a vu, les policiers la arrivent, police, ouais. La police arrive, elle dit la même chose, ah ben là on n'est pas trop certain, bang, la chaise bouge en avant d'eux, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est là pour mettre en doute, il y a de quoi de spécial qui arrive, qui vient tout de suite régler ça. Je sais pourquoi, ils disent un peu à la fin, non? Ok, non, regarde, j'attendrai mon tour. Je suis pas sûr. C'est parce que c'est surtout pour dire que dans les autres films de fantômes, ce cliché-là est tout le temps utilisé, puis c'est long parce que personne ne croit jamais à la mère. Tu sais, comme The Entity, la femme qui est considérée folle, c'est souvent comme ça. Puis je trouve que là, ils s'amusent à jouer avec les codes, puis j'ai trouvé ça cool. Sinon, si on rentre des parties plus horrifiques, il y a des moments d'anthologie là-dedans. Honnêtement, là, moi, la scène du cadre, c'est du putain de génie. Cette scène-là, toute la manière que c'est mise en scène. Et ce qui est fou, c'est que le personnage de la nonne a été rajouté en pré-production après. Elle était même pas supposée être là dans le film. Fait que le fait que quand t'écoutes le film après, je trouve que ça paraît même pas. Puis j'imagine pas le film sans la scène avec le cadre. Moi, sérieusement, cette scène-là, je la trouve débile. Elle est tellement efficace, puis toute la salle était crispée sur le bout de leur siège, ça criait, c'était vraiment fou l'énergie qu'elle dégageait. Et une des autres aspects que j'ai vraiment adoré, The Cookman. Et là, j'ai vu pas plusieurs, je te dirais, il y en a qui ont adoré, puis d'autres qui n'ont pas aimé, parce que ça n'a pas forcément son utilité. Puis moi, je le considère comme le Annabelle. c'est pas un démon, un personnage inutile, mais il est là pour apporter une petite frayeur de plus. Et c'est, il est tellement bien mis en scène que honnêtement, je m'en fous. Puis il nous procure une des scènes les plus imprévisibles que j'ai eues dans ce genre de film-là. Scène avec le chien. Si t'aurais vu la face que j'ai faite, le what the fuck, je sais, qu'est-ce que c'est ça? Puis après, c'est là que j'ai catché que c'était le coup, man, mais ah, c'est génial la manière que ça a été mis en scène. C'est fabuleux. Puis tu disais, Sébastien, que le CGI, tu trippais pas trop. Ça me dérangeait moins parce que la manière qu'il bouge, il bouge vraiment comme quand ils font tourner la toupie, c'est saccadé. Mmh. Fait que je trouvais que l'effet fonctionnait. Puis tu sais, on le voit juste deux fois. Puis les deux fois, je trouve que ses apparitions sont mémorables. Son apparition que j'ai préférée, c'est celle-là qu'on le voit juste en ombre et qu'après ça, il y a quelque chose d'autre que lui qui apparaît. Mm-hmm. C'est sa apparition que j'ai préférée, malheureusement. Mais la deuxième... J'ai préféré juste son apparition dans la tente. Dans la tente. Mais en que tu fais juste... Là, j'étais comme... Tabarnak. Mais en même temps, le fait que ce bout-là est en plan séquence, puis tu vois de la tente qui part du plafond, qui atterrit dans le garde-robe, il défonce les portes du garde-robe, est tellement efficace que j'ai eu le frisson qui m'a levé ses bras, là, c'était fou. Sinon, à part de ça, je pense que t'es dans tous les gros détails. Peux-tu dire une chose? Cette famille-là dort dur en est. Oui, vraiment. Oui, la misère à croire ça, là. Tu sais, là, que t'as des enfants qui crient ou qu'il y a des... Puis la mère, elle est juste... Elle dort, elle est paisible. Tu sais, t'as des enfants, là. Me semble que, moi, pour être parent, là, tu sais, puis pour avoir une blonde qui est une mère, je te jure que quand le petit fait juste un petit... La mère se lève comme une base. C'est pas trop long. T'as pas besoin de la réveiller, c'est elle qui arrive en courant. Nice. Mais quand je critiquais les similitudes entre les deux films, en fait, c'est plus dans la structure. C'est comme le premier film nous présente, dans ses premières minutes, nous présente un vieux cas des Warren, c'est Annabelle. Après ça, on embarque avec les Warren, la famille, tout ça. Un moment donné, on revient chez les Warren où la petite fille est en danger à cause d'Annabelle, tout ça. Puis après ça, on retourne, puis ça, c'est la même structure, le deuxième film. On a les cinq minutes où ce qu'on a présenté à Amityville. Après ça, t'as l'histoire avec la famille. On revient chez les Warren où la petite fille est en danger encore. Puis là, on retourne là-bas. Je comprends parfaitement, mais en même temps, moi, ça me dérange pas parce que c'est tellement bien fait et intéressant. Je m'intéresse pareil à tout ce qui se passe que je m'en fous finalement. Tu sais, si tu me ressors la même formule, fine, mais ça a moi la même qualité. Puis c'est ça que James Wan fait avec Conjuring 2. Puis au lieu de servir juste la qualité, il rajoute des bonus puis des suppléments qui font en sorte que l'œuvre arrive à se démarquer pareil du premier film. Puis je trouve que c'est ça, en gros, sa grande force. Justement, un des petits défauts, je peux y reprocher. Les cinq premières minutes, c'est sympa, le clin d'œil à Amityville, je comprends. Puis sur le coup, quand tu vois les deux fenêtres qui fait les yeux de la maison, j'ai comme fait « Oh nice, Amityville! » Mais je trouve que c'est pas à la hauteur de, tu sais, la réputation d'Amityville, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu boboche. Par contre, c'est foutrement bien mis en scène, encore une fois. Quand Madame Warren se promène puis elle est timée, synchronisée d'un miroir comme le gars avec le gun quand elle recharge, puis quand, tu sais, c'est saccadé, puis tu vois comme une photo. J'aime beaucoup l'imagerie, puis comment c'est mis en scène. Je crois juste que c'est pas à la hauteur de tout ce qu'il y a eu par rapport à Amityville. Tu sais, tout le monde connaît ça. Fait que je trouve que c'est un petit peu trop garroché. Mais c'est pas si pire que ça. Puis je voyais... Moi, ce qui me tannait là-dedans, c'est plutôt que nous arriver avec un cas un peu comme Annabelle dans le premier, il nous est arrivé avec quelque chose qu'on connaît tellement qu'on a juste fait comme « Ah, OK, Amityville. Bon, ben, on va être dessus du monde. » Ben, c'est ça. Fait qu'on avait comme pas de surprise, tandis que dans le premier, on était comme « Annabelle, c'est quoi ça? » Ouais, ouais, c'était un peu annoncé, parce qu'à la toute fin du premier film, il l'annonçait qu'il allait là-bas. Ouais, qu'il allait à Amityville. Ouais. Ah ouais, je m'en souviens pas. C'est vrai, j'avais oublié ce point-là. OK. Fait que c'était un peu... on pouvait se douter qu'on allait le voir... Ben, il y a beaucoup de personnes qui, quand le premier film est sorti, se demandaient si le deuxième film, ça serait pas Amityville qui irait voir. Ça aurait peut-être été l'autre. Personnellement, j'aurais pas forcément voulu, là, je crois. Non, moi non plus. Puis j'ai trouvé, je suis comme vous autres, là, le début, c'est correct, mais sans plus. Puis comme j'ai dit dans mon commentaire au début, je vois pas le parallèle entre les deux. Je vois pas pourquoi est-ce que le démon est là, puis entre Lorraine. Puis... Quelqu'un m'a parlé d'une entrevue avec James Wan où il paraîtrait qu'il dit que ce n'est pas le démon qui entre, mais ce serait Lauren qui a des visions. Des visions du futur. Et ça expliquerait pourquoi il y a certaines choses dans leur maison qu'on voit de temps en temps. C'est comme... C'est ça. Ben, je le vois... pas nécessairement toujours des hantises, mais plus des visions. Je le voyais un petit peu comme ça aussi dans le film. Je trouvais pas que c'était forcément que la nonne en avait personnellement après, là, que c'était. Je voyais ça un peu comme des visions aussi. Mais elle avait une connexion avec plus qu'autre chose. Une connexion. Ben, c'est ça qu'elle arrive, elle a suffi aux connexions qu'elle a en rentrant dans les maisons. Fait que je crois que c'est plus. En même temps, le but de la nonne n'est pas expliqué, le but du démon n'est pas expliqué, puis pourquoi, son origine, tout ça, c'est rien. Ben, je veux pas le savoir, honnêtement. Je veux... Il va y avoir le spin-off, la nonne. Justement, la nonne, puis j'ai pas envie de le savoir. Si c'est pour faire Insidious 2, là, fuck that, je veux pas que ça soit un travesti, là, ça me tente pas. Là. Mais le tueur, ouais, c'est un travesti. Ta haine envers Insidious. Ouais, j'ai bien de la misère. Oui. Puis pour finir mon opinion sur Conjuring 2, je veux juste y aller avec la dernière scène finale. Encore une fois, merci James Wan de t'éloigner de tous les clichés de marre de films de fantômes qui finissent avec un jumpscare poche, raté, inutile, qui sert à rien. C'est pas obligé de se finir mal. On peut finir ça sur un happy ending avec une belle scène. Puis moi, cette scène-là, je l'ai trouvée belle, fun. Je suis comme, cool, le film finit de même. Ben, je suis bien content. Puis ça fait du bien, crime. Ouais, non, t'as raison là-dessus. Hey, Vicky? Ouais. Salut. Salut, je dors pas, yeah. Ben en fait, quand j'ai coupé Steven tantôt, puis j'ai dit, tu sais pourquoi le fantôme se manifeste rapidement? Ben en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est peut-être un peu à l'inverse de vous, je sais pas, là. Peut-être que j'ai trop l'esprit embrumé ce soir pour avoir bien canalisé ce que vous vouliez dire, mais moi, j'ai vraiment compris que c'est un démon qui s'attaque à elle, puis qu'il y a une connexion avec elle, puis c'est comme si par elle, il pense peut-être s'incarner, ou peu importe, il pense avoir accès à notre monde à nous grâce à elle. Et s'ils se manifestent rapidement dans la maison, c'est parce qu'ils veulent qu'ils appellent. Moi, l'impression que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas intérêt à se cacher, il n'y avait pas intérêt à peu se manifester, parce que son but, c'était qu'elle vienne là. Parce que elle, dans ses visions du futur, elle a vu son mari crever. Puis elle l'a vu crever comment? En tombant en bas de la fenêtre. On sait pas que c'est en tombant en bas de la fenêtre, on sait juste qu'il crève avec un gros truc autour de son corps, là, tu sais, quelque chose qui traverse le corps. Bon, ben, on sait que lui, il crève, puis avec quelque chose qui traverse le chest, puis on se demande vraiment longtemps c'est quoi. Puis c'est en voyant l'arme qu'on se dit, OK, lui, il crève en tombant en bas de la fenêtre, puis l'arme, il transperce le corps. Fait que moi, j'ai plus l'impression que ce démon-là est connecté à elle, puis il veut la faire venir dans cette maison-là. Puis tuer son mari qui est sa force. Elle, cette femme-là, elle a des dons hypnotiques, puis elle est capable, le démon est capable d'entrer en contact avec elle direct, outre que par ses rêves, comme son mari. Elle est tellement sensible à l'autre monde qu'elle a pas besoin, il a pas besoin d'attendre qu'elle soit endormie ou par ses rêves. Il est là, il est présent, puis il est capable de l'attaquer. Fait que lui, il veut pouvoir se coller à elle, fait qu'il faut qu'elle aille dans cette maison-là rapidement parce que c'est sa porte d'entrée. Mais pourquoi d'abord, quand ils sont là, ils s'arrangent pour que la fille fasse quelque chose qui va les faire partir? Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que c'est eux qui veulent faire partir, c'est les autres. Ouais, mais... Moi, j'avais pas l'impression que c'était les Warren qui voulaient faire partir, c'était les autres. Non, mais ouais, ça... Moi, j'avais l'impression qu'ils voulaient faire partir tout le monde. Puis, en plus... En plus, moi, de ce que j'ai compris... ben de ce que j'ai compris en fait, ce qui est dans le film aussi là, c'est que le vieux monsieur puis le démon, c'est deux choses. Ouais. Ça se pourrait que ça soit le vieux monsieur qui ait demandé pour pouvoir parler à Warren. Est-ce que ça serait le vieux monsieur qui a demandé à la jeune fille, fais-les partir parce que je peux pas y communiquer? Parce que c'est le vieux monsieur qui y parle quand il est pris d'un tuyau. Mais Sam, sérieux, ouais, ce film-là, je puis je vais y aller pas, avec... Ouais. Moi, je suis une personne excessivement ouais. narcissique, OK? Mais vraiment excessive. Ouais, et dans le film, quand que... avant la scène de la nonne dans le bureau, OK, elle s'endort dans sa bibliothèque avec sa fille, OK? Puis c'est là que le démon, il aurait communiqué son nom. Mais avant de s'endormir, être de profil à sa bibliothèque, un peu comme moi présentement avec ma bibliothèque ici, puis elle est de profil de sa bibliothèque, puis il y a des lettres dans sa bibliothèque, et ouais. Les lettres forment le mot Valak. Les lettres forment le nom du démon. Puis je suis vraiment sûre, parce qu'il y a un V puis un K, puis j'espérais que ça nomme Vicky. Non, mais il apparaît deux fois, le nom apparaît deux fois, c'est ça que je disais tantôt. Mais le Valak dans la bibliothèque apparaît vraiment clairement. Fait que moi, je pense que ce démon-là veut juste entrer en contact avec elle, peut-être la détruire, ben, peut-être, fort probablement la détruire, mais il veut entrer en contact avec elle. Il veut, tu sais, ils disent à un moment donné, là, que vraiment, et je me souviens pas comment qu'ils disent, mais ils disent vraiment qu'elle voulait, ils ont été attirés dans cette maison-là. Elle dit à un moment donné à son mari, on a été attirés ici. Ils nous veulent ici. Je me souviens pas, mais oui, ça se peut. En tout cas, anyway, ce film-là, j'ai eu la chienne de ma vie. J'étais dans un cinéma avec trois de mes amis. On était en petite boule, les genoux dans le front. Ma chum avait les mains dans la face, puis il a fallu y enlever. On disait, on va se graffiner à la face, enlever les mains dans la face. L'autre avait son coton ouaté roulé jusqu'à ses yeux. Moi, j'arrêtais pas de crier. J'ai eu la chienne de ma vie. La salle au complet avait la chienne. Il y a un moment où on arrive vers la tente, les enfants ont construit une tente dans un corridor, puis le petit gars, il a un troc, fait qu'il pousse son troc vers la tente, puis tu sais que le troc, il va y revenir, mais j'étais à côté de mon ami, puis tout le monde était là, ça va être là, puis quand ça arrive, on est quand même surpris, même si on le sait que ça va arriver, puis j'ai trouvé que ce film-là, c'était là, c'était ça, tout le temps, à chaque fois, tu sais, je sais que Jeff le trouvait moins, mais comme il dit, c'est plus dans la structure que dans les jumpscares. Mais moi, sincèrement, j'étais avec mes amis, puis à chaque fois qu'on se disait, ça va arriver, tu sais, il y a un moment où le petit gars, il va chercher un verre d'eau, puis il regarde par la fenêtre, puis là, la caméra est positionnée à l'extérieur, et tu vois le petit gars et le verre d'eau et l'autre fenêtre. Oui. Moi, j'étais avec mon ami, on va voir rien, finalement. Il y a rien. Non. Fait qu'il a créé de la peur avec pas rien du tout. Mm. Il a réussi à créer de l'angoisse avec du vide. J'ai le même feeling. Oui, moi aussi, tu regardes les deux fenêtres, puis t'es comme laquelle. Il y a de l'attente dans ce film-là, puis c'est incroyable. Puis il y a une scène qui se passe dans le sous-sol où on est inondé, puis tu sais que le fantôme va être là, mais tu sais pas où. Puis finalement, il est dans un reflet d'eau, puis tu cries ta vie, parce que c'est comme, OK, je l'aurais vu se relever, je l'aurais vu sortir, pas dans l'eau. Fait que sincèrement, moi, ce film-là m'a foutu la chienne, puis c'est le but d'un film d'horreur. Fait que bravo. La salle au complet avait peur. Il y a un bout à un moment donné que personne sait si c'est la salle qui a crié ou c'est dans le film. Il y a un roar à un moment donné, puis j'étais comme, dans le film, c'est quelqu'un qui a eu un bon timing, genre. Mais anyway, la salle a crié quand même à ce roar-là. Fait que je ne sais pas si c'était dans le film. Va falloir que je le réécoute. Pour ça. Quand je sais c'est de quel tu parles. Il y a un gros là proche de la tente à un moment donné, je pense. J'ai fait dans mes culottes, celui-là. Ouais. J'ai fait dans mes culottes. Puis, tu sais, à plein de temps, tu dis il va rien se passer ou il va se passer telle affaire, puis c'est pas ça qui se passe du tout. Puis moi, ça m'a vraiment impressionné à quel point il joue avec les attentes du spectateur durant ce film-là, mais vraiment, le savoir jouer avec. Tu sais, on dirait qu'il sait qu'il s'adresse à des gens qui trippent horreur. On dirait qu'ils se disent, ceux qui vont venir voir mon film, là, ils aiment ça, le cinéma d'horreur, puis ils en ont vu des tonnes de films d'horreur. Fait que tant qu'à faire, m'a gâté, puis m'a allé jouer avec tout ce qu'ils savent puis qu'ils savent pas. Il prend pas le public pour un con. Non, vraiment pas. Puis moi, je trouve qu'il s'est vraiment amusé. Puis tu sais, il sort des répliques vraiment drôles, comme Amané a dit. Ben en fait, c'est pas des répliques, c'est plus les répliques qui s'attendent que le spectateur ait. Genre, Amané a dit... Le démon a pris une forme rassurante, une forme de quelque chose que je connais. Puis je suis comme tabarnak qui a mal choisi. T'sais, c'est comme comme le gars qui dessine la nonne parce qu'il l'a vu en rêve puis il l'accroche dans son bureau. Why? Comme non, tu la dessines, tu capotes puis tu le crisses au feu, je sais pas là. Ouais. Tu vois, c'est le genre de truc que tu fais comme « Ok, man, t'as fait ça pour nous faire peur parce qu'il y a personne qui fait ça. » Cette scène-là, vous en avez parlé longtemps, mais moi, personnellement, le nombre de fois que j'ai fait « Ok, c'est plus le cadre. Ok, c'est plus le cadre. Ok, c'est plus le cadre. » Puis finalement, c'était tout le cadre. C'est ça que je dis, par il joue vraiment avec l'attente des gens parce que tu t'attends tout le temps à ce que le démon arrive là ou le fantôme arrive là, puis c'est pas là qu'il arrive, puis c'est pas cette façon-là non plus qu'il arrive. Puis moi, par contre, j'allais dire le dessin animé parce qu'il a l'air vraiment un peu plus dessin animé, là, le... Je sais pas comment... Crookman. L'homme tordu. Ouais, l'homme tordu. Moi, nous, il nous a fait un peu chier, moi, pis les filles. C'était les moments de détente parce que on dirait qu'on y croyait plus. La première apparition, il s'avère être la jeune fille. Fait que là, on était comme vraiment contents parce qu'on a fait comme, OK, cool, ils ont vraiment réussi à recycler l'idée que ce que tu vois, c'est pas ce qui est. Mais le deuxième coup, quand il est là, on a comme fait, Non. Fait que moi, je fais plus partie de la deuxième catégorie de gens qui font comme « Non, je serais resté avec les fantômes. Là, tu m'arrives avec des apparitions nowhere. » Fait que là, sa première apparition, au début, on a, tu sais, chien à homme tordu. OK, ça fait peur. Mais après ça, homme tordu qui court, t'es comme « Bah, OK, là, c'est intense. » Puis là, homme tordu qui devient jeune fille, tu fais « Oh, shit, OK, on est dans la marde. » Mais là, je sais pas. Moi, je trouve que l'homme tordu, c'était un petit peu de trop dans le film, personnellement. Mais le reste, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment crédibles aussi. Toute la gang sont vraiment crédibles. Les voisins d'en face. Mention spéciale au personnage le plus inutile de tout le film, c'est le papa en face, le voisin d'en face. Chaque action qu'il fait mérite 3 actions de plus. On a regardé ça, là. À chaque fois qu'il dit, il réussit à défoncer la porte, puis il fait « Je vais aller appeler à l'ambulance. » Mais tu sais, c'est comme « T'aurais dû l'appeler avant de défoncer la porte. » Ou tu sais, il défonce la porte pendant vraiment longtemps, puis il fait comme « Ah, j'aurais dû prendre une plus grosse hache. » Tu sais, à chaque fois qu'il commet une action, c'est jamais comme suffisant. Fait que c'est un peu tristouné comme personnage. On l'a pas vraiment mentionné, mais la jeune fille qui joue pas mal la possédée tout le long du film est vraiment bonne, cette jeune actrice-là. J'ai vraiment été impressionné par son jeu. Surtout la scène des médias quand ils veulent l'interviewer, là. Vraiment, vraiment bonne. Ouais. Fait que bref, c'est vraiment un bon film. Je trouve que dans The Conjuring 1, il y avait des moments aussi que je trouvais exagérés, puis que j'étais comme fait, OK, revenez-en, là, c'est exagéré. Mais celle-là, j'en ai eu moins à part l'homme tordu. Fait que j'ai bien aimé les deux. Je trouve que c'est un beau duo de film pour te faire peur. Good. On va y aller avec nos conclusions, nos recommandations. Ben, je pense que sont claires, mais Steven, ta recommandation? Achat assuré, mais quand il va sortir, pour moi, c'est un must si vous avez envie d'avoir une soirée effrayante. Là, James Wan livre la marchandise haut la main. Jeff? Ouais, je pense que même chose. Je pense qu'un achat, ça vaut la peine. Non? Vicky? Ah, moi, c'est un achat assuré. Mais même, je pense que c'est un visionnement au cinéma. T'sais, si vous écoutez le podcast pas trop tard, vous êtes capable de le pogner, t'sais, dans un bistrot au cinéma de votre région. Oh, ouais. Ça serait l'idéal. Le cinéma pas cher qui est tout le temps en retard sur les autres. Là. Ouais, c'est ça. moi aussi, allez le voir au cinéma si vous pouvez, mais allez le voir, c'est tout. Là, et achetez-le, vous allez pouvoir le revoir plus qu'une fois. Mais je pense qu'au cinéma, le son, tout ça, le fait que ce soit gros, que je sais pas, il y a de quoi de plus. Moi, j'ai une belle salle qui était pas trop réactive, qui était juste bien, c'était génial. Là. On n'est pas en France, heureusement, donc on n'a pas du monde qui saccage la place, là. Comme c'est en train de se produire. Ça, c'était intense, ouais. Moi, ça crie, mais c'est parce que ça a augmenté encore plus de tension, parce que, dites-vous, quand ça crie, mais quand c'est silence, là, tu sais, quand toute la salle a une tension commune, là, hey, ça, c'est effrayant, là. Je la sentais, la tension commune, puis plus il y avait de la tension, plus je me rapprochais de mes amis, puis plus, tu sais... Ça paniquait, là. Ah non, c'était incroyable. Ah, moi et ma blonde, on était collés, là. C'était vraiment, là, c'était... Moi, j'ai... Tu te dessoudes pas, là. J'ai vraiment eu une salle Fantasia. Autant Dead Silence, c'était des conneries. Autant là, au début, j'étais comme, oh non, check-moi la salle de délinquants, pas d'allure. Puis finalement, ils ont juste embarqué à fond. Puis au point que quand Warren chante sa chanson à guitare, toute la salle chantait la chanson en même temps, en levant les mains de même. Ben oui, on dort, c'était comme... J'ai jamais vu ça. J'étais comme OK, quoi. Ils sont vraiment dedans, là. Cool. C'était des petits bums. Des petits bums gentils. Des petits bums gentils qui connaissent la musique, ça a de l'air. Hey, on a encore une petite partie de show, donc on va prendre une mini pause en musique avec notre ami Emmanuel Ouellet du podcast Radio Enfer 666 et on revient avec notre petite analyse de la progression de la carrière de James Wan. On revient dans quelques minutes. Salut, c'est Manu du podcast Metal Radio Enfer 666 pour vous présenter l'interlude musical. Donc, on y va avec la chanson No Cross Left Unturned de Entrails, un groupe suédois de death metal. C'est une scène assez forte de la Conjuration 2 quand toutes les croix se retournent. Cette chanson-là l'exprime bien. Je vous souhaite une bonne écoute de la chanson et si vous avez pas vu la Conjuration 2, sérieusement, allez voir ça. Excellent film. on est de retour pour cette conclusion qui va comporter un petit segment spécial parce qu'étant donné qu'on fait un épisode James Bond puis qu'on a pris carrément, si on enlève le fait que ça est peut-être plus un suspense qu'un film d'horreur, malgré qu'il y a quand même des trucs un peu horrifiques, mais que Dead Silence, c'est vraiment le premier film d'horreur en tant que tel avec des fantômes et tout ça, et que Conjuring 2 est son dernier. On peut voir que James Wan a évolué. J'espère, ça serait vraiment épouvantable. Très évolué. Quand presque 10 ans, il n'ait pas évolué d'une miette, surtout avec le nombre de films qu'il a fait. Parce que quand même, sans être hyper productif, n'a pas arrêté. Même en héritant de Furious 7. Ouais. Mais en héritant de la mort de Paul Walker. Donc, c'est moins le fun. Ouais, c'est moins le fun. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de ce James Wan que, tu sais, on se cachera pas, là, pour plusieurs, c'est la coqueluche, là, du cinéma d'horreur, là. Puis même lui, il a dit, là, je veux m'assurer de faire autre chose pour pas être étampé cinéma d'horreur, là. Comme Wes Craven. Puis je trouve que c'est comme c'est comme le nouveau Wes Craven, dans le sens que il va être étampé film d'horreur, puis il a beau se démarquer avec Furious 7 puis Aquaman prochainement, mais on espère tous qu'il revienne pareil dans l'horreur, parce que c'est dans ça qui est bon, James Wan. Puis crime, avec deux films, il a changé le cours du cinéma, il a créé des nouvelles vagues. Veux pas décadence, ça a déclenché une nouvelle vague de films de torture porn, puis de films d'horreur classés R. Puis avec Insidious, même chose, il a pris le film de fantôme, puis il a modifié les codes, puis il a apporté quelque chose de nouveau, ce qui a engendré un paquet de vagues de films du même genre aussi qui ont tenté de le copier, comme pouvait le faire Wes Craven, admettons, avec son Scream, ou qu'il a repris le slasher, puis il a joué avec les codes. Ben, c'est ce que James Wan fait aussi, puis je crois que c'est pour ça que je le considère comme un maître de l'horreur, puis un des grands boss de la nouvelle génération des réalisateurs, puis son évolution en tant que mise en scène, ben, tu peux très clairement la voir à chacun des films. Tu regardes juste Dead Silence, puis Insidious, il y a déjà là une progression évidente quand tu vois le film, puis c'est ainsi de suite quand tu continues avec Conjuring. Le gars maîtrise de plus en plus son art, puis sa caméra, puis il y a tout le temps des nouvelles idées, fait que c'est comme... Pour moi, il mérite amplement son statut de gars qui va marquer l'horreur, puis qui va rester dans les mémoires comme pouvait l'être un John Carpenter ou d'autres noms, là. Toi, JF, je sais que t'avais des réserves. Est-ce que tu ne dévoilais un peu sur ton. Ouais, mais tu sais, j'ai rien de très précis à dire ou à argumenter. Dans le fond, j'étais content qu'on ait des critiques négatives sur notre page Facebook, parce que je veux dire, James Wan, c'est pas Dieu non plus. Là, c'est pas. J'aime ça que le monde graphigne un peu son image. Là, mais dans le fond. C'est moi qui ai un problème, parce que j'ai de la misère à accepter des fois de dire que quelqu'un est un game changer, là, tu sais, que c'est un gars qui a changé la donne. Je vais le dire 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard avec le recul, tu sais, j'ai de la misère à le voir comme ça. James Wan, je suis comme, ah ouais, tant que ça, il a changé le cinéma tant que ça. C'est comme, pour moi, c'est pas que quelqu'un de si important que ça encore, tu sais. C'est moi le problème, c'est moi qui ai tendance à snobber un peu les gens contemporains, puis c'est ça, je les vois avec le recul, fait que je sais pas. Puis en même temps, je vous écoute parler de comparaison avec Wes Craven, puis je suis pas non plus un super de grand fan de Wes Craven, puis quand il est mort, puis que tous les podcasts que j'écoutais en parlaient, je skippais les épisodes parce que ça me tapait ses nerfs, là, tu sais, je vois pas de profondeur dans le cinéma de Wes Craven, mais en tout cas, c'est mon problème, là, fait que, je suis pas super... Je suis comme toi, Jeff, dans le sens que je suis pas le plus grand fan de Wes Craven, contrairement à Danny Champagne de Rob Webb qui a fait un gros podcast, mais je peux pas enlever le fait que à Nightmare on Elm Street ou Scream ou de Last House on the Left, ça a pareil apporté du nouveau dans le cinéma, puis que ça l'a apporté sa marque, là, il a pris une formule, puis il l'a amélioré, puis il a changé les choses et apporté de quoi de nouveau qui avait jamais été vu dans le cinéma. Fait que veux pas, je suis capable de reconnaître, mettons, pareil que Wes Craven a laissé sa marque, même si je suis plus que James Wan pour moi, là, mais oui, mais ben, c'est sûr que tu peux pas laisser ta marque 10 ans après ton premier film. Mais c'est ça, oui, c'est le temps qui va nous montrer qu'il a laissé sa marque. Mais je pense que je pense pas que dans 20 ans on ne parlera plus de Décadence et de Conjuring. Mais je suis juste curieux de savoir. On va encore en parler. Je serais juste curieux de savoir si Monsieur, Madame, tout le monde de sa rue savent c'est qui James Wan. C'est... Ouais, mais c'est Monsieur, tout le monde. Ouais, Monsieur, Madame, tout le monde sait c'est qui Wes Craven puis ouais. Michael et Nicky. Quand Jaws est sorti en 75, je pense que le monde connaissait le nom de Steven Spielberg. Ils l'ont appris. T'sais, lui, il a changé la donne avec le blockbuster. Mais c'est pas pareil. Il était dans un... Ouais, mais tu vois, Steven Spielberg jouait dans le blockbuster grand public. Là, on reste quand même dans un film de genre. Le film de genre, il n'y a jamais le grand public qui va connaître le nom de ses réalisateurs. Ben, le poster de The Thing avait le nom de John Carpenter's The Thing en 80. Ouais, mais ça a été un gros flop, The Thing. Tout le monde se foutait de The Thing à l'époque. Enfin, je veux dire, l'horreur a tout le temps été le petit mouton noir là, en tant que tel. Là. Donc, moi, personnellement, je trouve pas qu'on consomme le cinéma présentement autour de moi par réalisateur. Non, je ne sais pas. Ah ben, à part mes amis qui sont vraiment au cinéma là, puis qui sont des truffeux. Parce que pas dans un club vidéo, puis tu demandes par réalisateur, ils classent pas les films par réalisateur, ils connaissent pas, c'est pas une mentalité, c'est par genre. Je trouve que en général, les gens le culte du réalisateur, je pense qu'il est beaucoup tombé avec le temps. Oui. C'est dommage, mais on y va par genre, on y va par côté, par acteur, on y va par au club vidéo, là, on se faisait demander le dernier film de Bruce Willis. Oui. C'est pas le film de Bruce Willis. Exactement. Puis ben même dans le film de cinéphile, on y va quasiment par duo. Caprio avec un tel, l'autre avec un tel, John Depp avec l'autre. T'sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le culte du réalisateur est tombé beaucoup. Désolé, James Wan, si tu voulais faire ta carrière sur ton nom, mais je pense qu'à chaque film, il va falloir que tu te renouvelles. Ben, il n'est pas prétentieux, de toute façon, quand tu l'écoutes en interview. Quelqu'un dit, entre vous autres, là, qui disait que... Il essayait de devenir la nouvelle référence. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous a dit, non? Okay. Non, Steven a dit ça tantôt, je pense. Non, mais Jeff disait qu'il voulait pas être identifié puis étiqueté juste horreur, tu sais, qu'il voulait aller dans d'autres choses. Ouais, parce qu'il disait que il recevait plein de demandes de plein de scénarios, mais juste de films d'horreur. Puis il était comme non. C'est pour ça qu'il est allé faire Furious 7 avant de refaire un film d'horreur pour dire non, regardez, là, je vais aller montrer que je fais autre chose. C'est pour ça que là, il fait Aquaman pour dire regardez, je vais peut-être faire de l'horreur encore, là, mais laissez-moi faire autre chose parce que je vais arrêter. Là. C'est ça qu'il avait fait avec Dead Sentence, son troisième film. C'était un revenge movie plus axé sur l'action puis le drame. Fait que déjà là, il voulait briser un peu son étiquette d'horreur. Là. Mais tu sais, je veux pas tomber non plus dans la médisance. C'est, comme je dis, c'est moi qui est comme ça. Dans les années 20, mettons, n'importe quelle décennie, là, mais je vais prendre les années 20 comme exemple. Il y a des gens qui ont vu tout de suite que Fritz Lang, puis Chaplin, puis tous ces gens-là avaient une influence incroyable, puis Hitchcock, puis tout ça. Puis il y en a qui l'ont remarqué juste 20 ans ou 30 ans plus tard. Ouais, que ces gens-là étaient des grands génies. Tu sais, fait que c'est moi qui... J'aime pas ça être comme ça, mais je suis tendance à snobber un peu ça, puis à dire « Wow, les moteurs, là, calmez-vous », puis on verra dans quelques années son influence vraiment, là. T'sais, je reconnais qu'il fait des très bons films d'horreur puis qu'il y a souvent une influence. Là. Je suis juste. Mais pas... une influence, je sais pas, c'est-tu vraiment ça qu'on se questionne? C'est l'influence de James Bond. Moi, je pensais qu'on voulait on voulait jaser de l'évolution. Puis... Oui, non, on est tombé sur le sujet. Okay, parce que moi, je trouve qu'il y a une marque, là. Il y a une marque, il y a une mainmise, là. Il y a une tendance, il y a un look. Là. Puis juste ouais. Ça, pour moi, c'est enfin un réalisateur accompli. Mais encore là, quand j'ai vu Furious 7, j'ai. Je me rappelle pas avoir remarqué tant que ça que c'était James. Ouais, mais ça aurait pu être avec Aquaman. Ça aurait pu être n'importe qui. C'est un peu plus difficile parce qu'il n'y avait pas une grosse production de même. Il y a des producteurs dans le cul. Tu peux pas faire mais vraiment ce que tu c'est veux. C'est pas juste une question de production. Je pense que c'est une question d'image. Furious 7 a son image, a son. C'est le septième film d'une série, là. C'est ça. Peux pas aller. Pour attendre Aquaman. Ton Aquaman, c'est une super grosse série. Film, c'est une super grosse production. Il va sûrement se faire taper ses doigts. Mais ça va être là qu'on va pouvoir confirmer. Est-ce que ce gars-là est capable de garder sa marque malgré tout? Tu sais, moi, quand on me dit que Sam Raimi a fait les Spider-Man, j'en reviens encore pas, parce que je trouve pas que c'est le même genre de film, personnellement, tu sais. Mais ça paraît que c'est Sam Raimi. Tu peux ça pas écouter Spider-Man et dire que c'est pas Sam Raimi. Là. Ah ouais, non, moi, j'aime pas. Il y a que tu vois son, sa caméra, tu vois son... Tu vois peut-être juste les séquences de... Ah, Octopus dans l'hôpital, là, c'est Evil Dead 2, là, ça, là, c'est... Chose dans Willem Dafoe dans le premier qui se parle à lui-même dans le miroir là, tu sais, ça fait très Evil Dead là, avec la caméra qui est juste comme un petit peu talente, tu sais. Bon ben ça, même si moi je l'avais pas vu, ça démontre quand même mon point qu'un réalisateur qui est capable de garder sa marque en fait un réalisateur solide. Ouais. Puis ça va peut-être être avec Aquaman qu'on va le voir, mais pour l'instant moi je trouve que c'est un réalisateur solide parce que c'est un réalisateur qui a gardé sa marque. Tu sais, les apparitions dans le noir, les explications, les flashbacks, tout ça, c'est sa marque, puis elle est là. Puis est-ce qu'il va être capable d'aller plus loin que ça? Est-ce qu'il va être capable de nous amener ailleurs que ça, puis de développer son style? Ça fait 30 ans que Woody Allen fait le même film. T'as un point. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il fait le même film depuis 30 ans, puis ce film-là est bon? Si oui, ben, why not? C'est de la paresse un peu. Du point de pour Woody Allen, c'est de la paresse un peu. C'est du confort. Il est confort. C'est donc. Ça, mais tu sais, je veux dire. C'est pas de la paresse parce que c'est un grand travailleur, là. Mais est-ce que on n'en revient pas à notre point? Là, je me souviens plus là, si Ghostbusters va faire partie de l'épisode. Il va être en fin, peut-être. Oh. En tout cas, si vous nous entendez parler de Ghostbusters, on a soulevé le point. Comme quoi, les gens, ils disent, faites pas un remake, puis faites un remake. Tu sais, vous faites un remake, je veux voir exactement la même affaire. Ah, vous faites un remake, vous faites la même affaire, vous êtes pas original. Fait que, tu sais, je me dis, c'est-tu la même chose avec un réalisateur? Ah, je veux ta marque, je veux voir un film de James Bond, je veux absolument voir ta marque. Ah, Chris, tu te renouvelles pas. Ouais, tu veux ma marque ou tu veux que je me renouvelle? Tu sais, ça, je veux dire, moi, je vais voir un Woody Allen parce que je sais à quoi m'attendre, mais j'aime ça. Ouais. J'aime cette finalité-là, tu sais. Quelqu'un qui va voir un Transformer pis t'as du monde qui déblatère sur Nietzsche. Pas sûr. Ben, comme tu vas écouter un Lars von Trier, tu sais qu'est-ce que Lars von Trier va te donner. Exactement. Tu sais, Michael Haneke, tu sais à quoi t'attendre. C'est mais ça. Fait qu'après ça, tu te dis, bon, est-ce que je suis tanné? Ça, c'est par spectateur. Mais, tu t'écoutes un Xavier Dolan, tu le sens nasty que t'écoutes un Xavier Dolan. C'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, rendu là, moi, je t'as toi de voir qu'est-ce que pas. Tu viens chercher, tu sais, c'est ça, tu viens juste écouter un, tu sais, t'écoutes Xavier Dolan, ok, est-ce que tu veux écouter un film d'Anne Dorval ou tu veux écouter un film de Xavier Dolan? C'est vrai, non mais c'est vrai, on parle du culte de l'acteur. Si quelqu'un va voir Mommy en se disant, hey cool, j'aime Anne Dorval, ben tu vas aimer Anne Dorval là-dedans parce qu'elle fait beaucoup du Anne Dorval, c'est ça, all the way, tu sais, j'adore ça. Mais c'est de voir, est-ce que tu veux voir la touche réalisateur, tu t'en fous, mais sa touche est là. Et pas, puis moi je pense que c'est ça, je vais en dire avec James Bond, tu peux pas nier la touche du gars film après film. Elle est là. Je pense que avec l'horreur, le piège, s'il se met à faire tout le temps la même chose, c'est comme amener, étant donné que là, de ce qu'on parle, c'est que son but, c'est vraiment le scénario est un peu mis de côté. Je pense qu'on s'est entendu un peu là-dessus. Reste qu'il y a quand même des bonnes séquences, mais c'est jamais le scénario qu'on retire à la fin de ses films. Ben, c'est, si son but, c'est toujours nous faire peur comme aucun film ne le fait, ben, il aura pas le choix de se renouveler, là, parce qu'à un moment donné, du monde dans le noir, ben, des apparitions, maintenant, on va faire comme, man, je commence à voir où c'est que tu t'en viens, puis comment tu vas me l'amener, là, tu sais. Parce que si on pense qu'il est content. Ses contemporains comme Ty West puis Darren Lynn Bushman, ça, ils ont-tu plus évolué que lui? Ils ont-tu plus... Sont-tu plus diversifiés que lui? Moi, ce que je vois, c'est que Ty West est diversifié. J'ai de la misère à voir la touche de Ty West. Je suis capable de voir le talent. D'un film à l'autre. C'est, il change de style, mais tu reconnais la touche à Ty West. Ça a un rythme assez unique à ce moment-là. Moi aussi, je dirais que c'est dans le rythme. Oui, OK. T'as raison, c'est vrai. Dans son rythme, on va reconnaître Ty West parce qu'on sait que Ty West va nous faire un build. On va dire, voyons, mais il se passe rien. Le monde va se dire, il se passe rien. Tandis que nous autres, on fait comme, non. Il est en train de mettre les cartes. Watch out. Le troisième acte va être un hostie d'acte de fou. Justement, c'est ça qui se passe. Mais admettons, Darren Lynn Bushman, ben. C'est pas un réalisateur que je trippe personnellement. Là, je connais pas. Repo de Genetic Opera. Puis ça, 2 et 3. Ouais. Puis c'est quoi aussi Devil's Carnival. Ouais. Tu sais, sinon c'est quoi Adam Wingard? The Guest, puis The Woods prochainement, qui sont quand même des films assez différents. Ouais. Ou l'autre là, qui a fait Hatchet, là, Adam... Oui, Adam West. Pas Batman, lui. C'est ça. Ah. Mais James Wan, il l'a dit dans une interview, c'est pour ça qu'il a tout de suite refusé Décadence 2, parce qu'il a dit, moi, je veux pas m'enfermer dans une routine, puis juste en profiter en restant sur ma chaise tranquille. Lui, il avait fini avec l'histoire, il veut pas en faire d'autres, puis il a dit la même chose pour Conjuring. Il a dit, là, Conjuring, j'ai fait le tour. S'ils veulent que je fasse un trou, puis il m'arrive avec de quoi, qui apporte quelque chose de nouveau, fine, il va le faire, mais sinon, il va le refuser, puisqu'il refuse de marcher sur le succès puis de la facilité. Fait que c'est déjà un bon point. Oui, parce qu'on s'entend qu'avec les décadences, il aurait juste pu faire comme, yeah! Il refuse de marcher sur le succès, la facilité, mais il a pris Furious 7. Puis, tu sais, je pense qu'il voulait un gros défi. Je pense que là-dessus, il a vu le défi. Défi, puis il a eu la chance de il se l'est fait proposer, d'après moi. Pour lui, il a vu ça comme le dit ça, un gros défi, puis une chance de développer un gros chèque aussi, là. Puis oui, mais je pense aussi, tu sais, que quand tu te dis, OK, j'aimerais ça aller faire un film d'un autre style, puis qu'on te propose Furious 7, tu dois comme faire, yes, OK. Ma chance de faire mes preuves ailleurs que dans l'horreur avec Furious 7, je vais avoir, de un, le budget, de un, une série que je sais que il ne fera pas un flop, puis des acteurs qui doivent avoir du talent, tu sais, à travailler dans ce style-là. Ah, regarde Peter Jackson, tu sais, il a, après son Badass, Brindle, puis tout ça, là, il y a pas une esti de compagnie qui aurait donné des millions pour aller faire son film. Il a fait Les Seigneurs des Anneaux, qui a été des succès monstres. Après ça, il a pu aller faire dans son coin de Love One, sans que personne vienne l'achaler, parce qu'il a fait son nom, puis ensuite, il peut faire les projets qu'il veut, qu'il tient à cœur. Fait peut-être que James Wan va ça. Ça tenait à cœur aussi, Lord of the Ring, là. Oui, oui, mais façon de parler, c'est pas une commande de studio, là. Non, c'est pas ça, je veux dire. Pas comme Hobbit. C'est juste, ça te donne la chance de pouvoir faire un projet plus personnel après. Ben, je pense que le meilleur exemple là-dessus, c'est Del Toro. Oui. Del Toro qui jongle toujours entre un Blade 2 ou de Mimic, mais après ça, Devil's Backbone, Kronos. Il va revenir, il va nous faire un Hellboy. Il va repartir, il va nous faire un Labyrinth, un Pan's Labyrinth. Il va revenir nous faire un Pacific Rim, tu sais. Fait que là, tu fais comme, OK, toi, tu fais mon petit film à moi. Ma grosse production, mon petit film à moi, ma grosse production, tu sais. Mais puis ben après ça il nous fait Crimson Peak, tu sais. Est-ce que tu, mais que dans chacun de ces films-là, à part peut-être Pacific Rim, c'est dur de reconnaître la touche de Del Toro là-dedans. mais tu sais, même dans ces Hellboy, tu la vois, tu sais. Fait que tu vois que le gars est versatile, mais il est capable de travailler dans différents styles tout en gardant sa touche à lui, parce qu'on fait comme, OK, non, ça, c'est du Del Toro tout craché. Moi, je pense que James Wan, c'est pareil. Ben, j'espère, j'aimerais ça. Je trouverais ça plate que dans 5 ans, on s'enjase de James Wan puis on fasse comme, ouais, ben, il s'est pété la gueule puis c'est pas mal funny, hein. Ben, ça serait vraiment dommage. Ben, je veux dire, c'est encore drôle présentement. Il y en a gros qui considèrent Spielberg de fini, mais ce qu'il a laissé en arrière, c'est quand même majeur. Ouais, là. Ouais. Puis je dis pas que c'est même niveau, là, Wan et Spielberg, on s'entend, là, je suis pas nouille à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller avec le constat qui est là. Même si avec Aquaman, puis l'autre film d'après, il se plante, ben moi, je trouve que ce qu'il m'a envoyé... Sérieux, Annabelle souffrait du manque de James Wan. Ben oui. Ben oui. Annabelle souffrait de subtilité. Ah, j'ai postillonné sa face à Seb. Elle a mis des postillons sur son écran. Oui, j'ai mis des postillons partout sur mon écran. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Annabelle souffrait beaucoup de l'absence de James Wan, de sa manipulation de l'image. Mm-hmm. Moi, je trouve que juste pour ça, ça démontre que c'est un réalisateur. C'est sûr qu'il a laissé sa marque, il va laisser sa marque, puis tu sais, il fait des bons films d'horreur, là, c'est ça. Tous les réalisateurs finissent par faire un film moyen ou qui se plantent, mais ça va pas nuire pour autant à leur filmographie. Mais Spielberg, ce que j'ai lu, c'est que c'est pas, c'est parce que ça tombe le week-end du 4 juillet aussi, ça tombe un week-end que le monde veut plus ou moins aller au cinéma, puis le BFG, ben l'abréviation, c'est juste un mauvais titre de film, tu sais, c'est le titre du roman, mais c'est un mauvais titre de film. Il aurait dû prendre The Big Friendly Giant, ça aurait été plus clair. Parce que, comme plusieurs disent, ceux qui ont vu le film Doom, BFG, ça veut dire d'autres choses. Big fucking gun. C'est ça. Ouais, BFG, moi, quand j'ai vu BFG, j'ai fait comme Big fucking gun. Pourquoi, là? Puis je regarde, je fais « Ah, Big Friendly Giant. » Parce que le trailer, puis tout, ça m'intéressait. Ça a l'air quand même pas pire comme film. Mais oui. Non, c'est ça. C'est juste un mauvais marketing, je pense. Mauvais moment aussi dans l'année. Je sais pas. Ben, il y a eu son Tintin que moi j'ai fait comme oh pas. Ah, moi j'avais pas d'été. Mais j'étais un gros fan de Tintin à la base. J'ai tout fait sur Tintin moi aussi. Ouais, mais le truc de cheval après ça, le truc d'espion avec Tom Hanks là. Ah, le film de cheval, c'est un excellent film. Ouais, mais ça a pas loupé là. Bridge of Spies, paraît que c'est bon, je l'ai pas vu. Ça n'a pas levé non plus. Pour un Spielberg, ça n'a pas levé. C'est parce que le problème avec Spielberg, là, ce gars-là, il n'a rien perdu de sa touch technique. C'est un perfectionniste, puis il n'a jamais rien perdu de ça. Mais on dirait que ses derniers films manquent de cœur et d'âme comme il y avait avec ses anciennes productions. Puis on dirait que c'est juste des grosses coquilles vides qui sont super bien réalisées. Puis je n'en ai pas tous les films, mais il manque une touch. Mais avant le film de cheval, là, le film avec les enfants là, qui avait des 8 dans le chiffre. Super 8. Moi j'aimais ça. Moi j'aimais ça. Mais c'est quand même un film que. Mais c'était pas Spielberg, ça. C'était J.J. Abrams. C'est J.J. Abrams. Mais c'est J.J. Abrams qui faisait du Spielberg. Ouais, c'est ça, J.J. Abrams. Non, mais c'était pas le bon de bord. En tout cas, c'est dans cette période-là, il y avait un autre Spielberg exactement avec des enfants dans cette période-là. Et peu importe, tout ça pour dire que. C'est drôle, parce que dernièrement, c'est d'autres réalisateurs qui font du Spielberg mieux que du Spielberg. T'écoutes les films de Jeff Nichols, pis c'est pour ça que le monde te parle de Midnight Special, parce que c'est du Spielberg, mais par un autre gars. Ouais, mais tu sais, non, t'as un peu, tu dis qu'ils font mieux que ça, c'est parce que Spielberg, il veut pas répéter les affaires qu'il a faites de 30 ans. Eux autres, ils font des hommages. Non, dans le sens qu'ils ramènent la formule à Spielberg, mais qu'il y a le côté âme pis cœur que je te parle qu'il n'y a plus vraiment dans ses productions. Tu réécoutes, maintenant tu vas écouter Midnight Special puis tu vas aimer les personnages puis tu vas avoir le même feeling que j'ai devant E.T. ou ces trucs-là. C'est ça, c'est surtout ça, en fait. Mais j'ai manqué un peu les films de Spielberg des 5 dernières années, mais je suis pas encore prêt. Faudrait que je les voie, là, mais je suis pas encore prêt à cracher sur lui quoi que ce soit parce que je préfère un gars qui préfère faire des trucs complètement différents à chaque fois puis prendre des chances que de faire les mêmes. Tu sais, j'ai adoré Super 8, mais ça reste que c'est une copie de Spielberg, là, tu sais. Oh, écoute, t'écoutes Super 8, puis tu vois la recette, elle est là. Ben oui. Puis ça, c'est pas original pour moi, parce que Spielberg le faisait il y a 30 ans. Lui, il veut pas retourner là. Il a jamais voulu faire de suite à E.T., il a jamais voulu faire de suite quasiment à ses films. Je pense... Indiana Jones. Ben, Indiana Jones, oui, mais à part ça... Faites Lost World. Ouais, c'est vrai. Indiana Jones, c'est... Mais c'est assez rare, là, tu sais. Je pense qu'on pourrait y aller avec les commentaires des gens. Puis après ça, y aller avec nos recommandations. Oui. Parce que cet épisode sera probablement un de nos plus longs. Épique. 4 heures. Ouais, ah ben, c'est 4 heures. Ça, c'est la conversation Skype, ça n'a pas duré l'épisode. Pas grave, 4 heures! Hey, j'y vais vite. On a notre ami Chris Yukigami qui dit « Dead Silence, je l'ai vu et vite oublié. The Conjuring 2, j'ai envie de le voir, mais ce qui m'amuse le plus, c'est que toutes les affaires des Warrens... Les producteurs ont choisi l'affaire de toutes les affaires des Warrens, pardon. Les producteurs ont choisi l'affaire du Poltergeist d'Enfield, alors que dans la réalité, Ed Warren ne s'est pas ou très peu occupé de l'affaire. Ben, comme j'ai expliqué tantôt, c'était un peu hors de leur contrôle. On a Jean-Philippe Vandal Labrec qui nous dit « Beaucoup aimé The Conjuring 2, c'est une très bonne suite. Je crois même que je l'ai préféré à l'original. J'ai même le goût d'acheter le divan. » Non, lol, je peux pas croire que la mère a pu conserver ce fauteuil-là, qui semble si dégueulasse, et ce même après l'événement de ce dossier Warren. Et qu'elle soit morte dessus, comme son ami Bill. Et on a, sinon... Billy, ouais. Regina Phalange, qui nous a écrit un long texte, mais qui représente pas bien son opinion comparée à quand elle le dit dans leur podcast Mémoire de Geek. Je pense que Jean-François l'a écouté aussi. Oui. Ouais, je pense que je trouve c'est plus nuancé dans son podcast. Tandis que là, à la lecture, on dirait qu'elle est ça m'a pas donné le feeling de la même opinion. Donc, et après ça, il s'est en suivi une suite de commentaires entre elle et Pat Lirette qui c'est ça. Fait que je pense qu'on va plutôt vous laisser écouter leur podcast Mémoire de Geek. C'est l'épisode numéro, j'allais prendre note. Puis c'est le 27 juin, l'épisode du 27 juin. L'épisode 27 et c'est à 18 minutes, c'est ça? C'est-tu l'épisode 27? Ouais, épisode 27 à 18 minutes, j'allais prendre note. OK. Et c'est ça, je vous suggère de l'écouter. Puis de toute façon, en plus, ils nous font un shout-out. Fait que oui. Ben oui, ben on va laisser en faire un aussi. Podcast que je ne connaissais pas, mais que putain, ils ont une très bonne qualité audio et Ben, c'est sûr que des podcasts de geeks, il y en a déjà énormément, mais jetez-y un coup d'œil, on ne sait jamais, peut-être que ce sera votre nouveau préféré. Ben, moi, je suis abonné, puis je vais sûrement l'écouter de temps en temps. Good. Là-dessus, j'aurais voulu entendre vos suggestions, parce que là, on se met maintenant à faire des suggestions, et là, on se disait, bon, on peut pas suggérer des films de James Wan. C'est que ça a été compliqué, ça. Ah ouais, c'est ça. Eh oui, puis on en a suggéré des thèmes, et je pense que la je sais pas qui avait suggéré finalement qu'on fasse ça, mais je pense que c'est la bonne solution. Mais c'est à partir du film que Vicky voulait parler, moi j'ai eu l'idée de... Ouais, ok, c'est vrai. Je pense qu'il faut... il faut parler des films qui, selon nous, ont influencé James Wan, ou en tout cas qui nous font penser à certains éléments que James Wan apporte à ses films. Et Vicky, t'avais ta suggestion? Ben moi c'est Rosemary's Baby, puis ça doit faire à peu près 95 fois que j'en parle dans le podcast, fait que venez-vous, parce que à chaque fois qu'on parle de quand on a parlé d'Annabelle, quand j'ai parlé d'Annabelle à l'Halloween de là, 2 ans parce qu'il était sorti, puis là ben j'en reparle encore aujourd'hui, mais James Wan et sa gang et sa clique sont vraiment trop influencés par Polanski et Rosemary's Baby. Ben, je sais pas pour vous là, mais la fille de Dead Silence, la première qui meurt là, c'est encore une fois Rosemary. Avec ses petits cheveux courts blonds, j'ai ouvert la fiche, j'ai dit « Ok, lui, il y a vraiment quelque chose à régler avec son papa Polanski, là. » Et Polanski, j'ai pas vu beaucoup de ses films, en tout cas, peut-être pas assez, faudrait que je me souvienne, mais de mémoire, je n'ai pas vu beaucoup. Mais Rosemary m'avait beaucoup, beaucoup marqué, puis je le conseille à tous, vraiment. Oui, on en a déjà parlé? Ah, moi, on a jamais parlé de... Le film, on a parlé de Tenant, de Polanski. On a parlé de Tenant, mais c'est sûr que de Rosemary, on a cité souvent, mais si le monde l'ont jamais vu, je vois pas pourquoi vous écoutez notre podcast. Mais toute Annabelle et Rosemary's Baby, tout long de A à Z, dans les décors, dans les costumes, dans, cheveux, tout. Ouais, c'est ça. Hein? C'est juste moins bon. Ouais, c'est sûr, là. C'est vraiment beaucoup trop. Je veux dire, l'appartement est pareil, tout est pareil. Puis dans Dead Silence, il y a la fille au début qui y ressemble beaucoup, le rapport à la famille aussi. Conjuring, même chose, le rapport à la famille. Quoique, à peu près tous les films, on pourrait parler du rapport à la famille, là, mais bon. Non, je sais pas, il y a quelque chose de très Polanski dans l'époque aussi, qui exploite lui aussi, c'est souvent cette époque-là. Bref, fait que Rosemary's Baby pour moi. Puis si vous l'avez jamais vu, vous voulez le voir, ben c'est ça. Vous avez entendu, c'est Polanski et non pas la version avec Zoe Saldana. C'est pas du tout pareil. Je savais même pas qu'il y avait une autre version. Version pour la télé faite l'année passée, il y a 2 ans. C'était mauvais. C'était très mauvais. Je veux pas écouter. Jeff, vas-y donc avec ta suggestion, toi. Mais j'irais aussi qu'un vieux film que quand j'écoute des films de James Wan, ça me fait penser à ça. C'est L'Enfant du Diable, The Changeling en anglais. 1980. Vous en avez parlé? On n'avait pas fait un épisode de Shameless? Non, il est dans les 31 jours d'horreur de l'an passé. Ah, c'est peut-être pour ça. OK, ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, un film de Peter Medak avec George C. Scott, un musicien qui s'en va dans une maison, il s'isole, puis il y a un fantôme là, puis c'est vraiment... Je vais vérifier si le fantôme s'appelle pas Billy, parce que James Wan, vraiment, il aime pas les Billy. Dans le film Dead Silence, la poupée s'appelle Billy. Et dans The Conjuring 2, le petit gars que tout le monde veut tuer s'appelle Billy. Il y a vraiment quelque chose avec les Billy. Je te reviens avec ça. Ça devait être un gars qui l'intimidait quand il était jeune. Ah, c'est sûr, il aime pas les Billy. Si tu trouves un Billy dans Insidious, là, je vais commencer à te croire. Ah, c'est ça, là, ça va être freak en ça. Let me check. Mais ouais, c'est The Changeling, ça va à peine, ça donne des frissons. Je pense que ça marche encore, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais ça marche. Je l'ai réécouté dans les 31 jours d'horreur, c'est pas l'année passée, c'est là 2 ans, mais il y a une séquence de rêve, ou en tout cas dans une maison où une petite fille dit « je rêve qu'il y a quelque chose dans le plancher », et cette séquence-là me fout la trouille à toutes les fois. Elle était écœurante, c'est très bon film. Steven? Moi, je vois surtout parce que c'est très connecté à The Conjuring 2, mais je vois avec Amityville 2 de Possession parce que je considère que c'est une suite supérieure au premier film et ça relate la tragédie originale avec la famille et le jeune qui a fini par tuer sa famille à coups de carabine. Mais ce qui me rappelle aussi le plus James Wan, c'est que la réalisation du film est vraiment hallucinante. Le gars essaye des trucs avec sa caméra qu'on n'a pas vu dans d'autres films de fantômes. Sa caméra est fluide, elle se promène partout, elle fait des 360 degrés, des plans séquences qui se rapprochent quand même assez bien de Conjuring. Fait que si vous n'avez pas vu Amityville 2, allez-y parce que c'est un putain de bon film. Il y a Polly de Rocky là-dedans. Ah, en plus, ouais. Non, mais la relation incestueuse un peu entre le frère et la sœur, c'est un peu weird, là, mais sinon, c'est un très bon film. Là. Good. Et moi, je vais y aller avec The Sentinel, pas celui avec Michael Douglas, comme Vicky voulait s'assurer, mais bien celui... Hein? Et on sait jamais. On sait jamais, non. Non, c'est celui de 1977. En français, c'est La Sentinelle des Maudits. Et... très bon film qui, moi, me fait penser à Rosemary's Baby. C'est très drôle parce que c'est un peu en lien avec ce que Vicky disait. Mais il y a des éléments d'horreur dans ce film-là qui font penser à du James Wan, j'ai trouvé. Vraiment, là, des trucs dans l'ombre. Quelque chose avec une nonne, j'en dévoile pas trop. Vraiment, The Sentinel, c'est... la pochette va vous dire de quoi quand vous allez le voir. Vous allez dire, oh, ouais, c'est vrai, j'ai déjà vu ça. Là. Si vous l'avez pas vu, écoutez ça, c'est excellent. Sur ce, avant qu'on se quitte, il y a le Patreon. Je veux pas en glisser un long mot, mais on a des gens qui ont commencé à être nos boss sur le Patreon. Et on a, entre autres, un boss qui est un membre Jason Voorhees. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne être un membre Jason Voorhees. Mais ça lui donne entre autres le droit d'avoir un shout-out à tous les épisodes. Alors, c'est Monsieur Tommy Gagné. Fait qu'alors, hey, un gros shout-out, Tommy! Yes, hey, bro! Tommy. Hello, Tommy! Rop, rop. Hey, Tommy! Hey, Tommy! Chummy, chummy! Chummy, chummy! Donc, si vous voulez être félicité de cette façon-là, allez sur notre patreon.com/horreurgamer. De toute façon, le site, notre site donne le lien. C'est une façon de nous encourager tout en recevant des petites récompenses comme ça. Et entre autres, certaines personnes ce soir avaient l'occasion d'écouter ce podcast en direct pendant qu'on l'enregistre. Donc, ils peuvent nous écrire pendant qu'on enregistre le show, nous dire des mardes ou passer des commentaires. Et ils ont ensuite accès à l'intégralité du show. Donc, tout ce qui a été coupé dans le montage, eux peuvent l'écouter. Vous autres, non. Ils nous voient la face. Ils nous voient la face en plus. Oui. Vicky a mis son plus beau chapeau avec ses belles petites fleurs d'oseille. C'est super beau. Jeff a mis sa super casquette des Yankees. Steven a son super chandail de Ghostbuster All Female Cast. Et moi, je ne porte pas de bobette. Et... Alors, imaginez si vous aviez accès à ça, tout ça sur votre Patreon de votre podcast d'horreur préféré. Hey, le bras de fer? On va faire un l'épisode Time Out bientôt, mais dans deux semaines, on va parler de Ghostbusters, justement. On va aller le voir au cinéma, puis... Oh, non, vous n'allez pas nous parler de ce petit film-là. Vous allez le voir, vous autres? Ouais. L'Angry Video Game Nerd va pas le voir, lui. Ben, tant pis pour lui. Ben, c'est ça. Et toi, Vicky, super. J'imagine que t'as pas beaucoup de temps pour mettre du gras sur ton écran. En tout, mais j'aimerais porter votre attention à Taylor John Smith, qui joue le Teenage Boy dans Insidious 3. Et je suis sûre que si on creuse, son nom était Billy dans le scénario de travail. T'es motivé, Vicky. Je te dis. Asto qu'elle veut. Billy. Billy, oui. Bill. Ouais. Billy, je te veux. Billy, je te veux dans ma vie. Billy, je te veux dans ma vie. Billy, je suis jamais parti. Hey, sur ça... Je pense qu'on peut pas se laisser sur des meilleures paroles. Alors, Steven, bye bye. Bye. Jean-François, bye bye. Bye bye. Vicky, bye bye. Bye. Et bye bye tout le monde. Et sur ce, gardez ça horreur. Oh. Alors, début de la section spoilers pour Dead Silence, Silence de mort. On fait toute la section spoilers à la française. Oui, alors là, putain, c'est de la merde, ce film. Non, mais c'est nul. Un bâton dans la colonne vertébrale, hein, cette connasse. Non, mais du coup, c'est quelle fin qui est alternative et laquelle est l'originale? Tu vois, moi, je suis vraiment gourée dans toutes ces fins. Alors, voilà, oui, alors, il y a un débat de qu'est-ce qui est alternatif et qui est original. Alors, la fin originale, corrigez-moi si je me trompe. À la fin, notre personnage de Jamie veut aller détruire la dernière poupée que Billy, parce qu'on se rend compte que Mary Shaw vit à travers ses poupées, donc si on détruit toutes les poupées, elle va mourir. Donc il détruit Billy en le tirant dans le feu. Mary Shaw fait un genre de rage, elle a peur, puis elle s'en va. Et il se rend compte que tout le long dans la pièce où il était, son père était là, mais son père ne réagissait pas. Il fait comme, ben voyons donc, papa, qu'est-ce qui se passe? Et quand il regarde son père est crissement mort. Non seulement il est mort, mais il a carrément un bâton de rentrée dans la tête. Il y a une partie du dos qui manque et on se rend compte que son père était tout le long une marionnette et que sa belle-mère était une ventriloque. Et au moment où il se rend compte de ça, il se tourne de bord, il voit sa belle-mère, elle la regarde, elle fait une face, elle se transforme en Mary Shaw, Black, et après ça, on a un portrait de famille, c'est ça? Ouais. Good. Qui récite le poème. Que... Ouais, il y a quelqu'un qui récite le poème, ouais, c'est ça. Donc, on le voit, lui, son père, sa belle-mère, puis sa blonde. C'est ça? Ouais. Good. Puis, ça finit comme ça. Et là, on se dit... Que quoi? Parce que oui, on fait comme, oui, c'est cool, un punch à la décadence, son père était une marionnette tout le long. Mais on se dit, mais sa belle-mère, elle... Parce que moi, c'est ça, quand on a fini le film, ma blonde a fait, là, je veux que tu me trouves une explication. Qu'est-ce qu'elle a, la belle-mère? Pourquoi qu'elle a fait ça? C'est-tu un fantôme? C'est-tu Mary Shaw? Pourquoi qu'elle est ventriloque? C'est-tu la fille de Mary Shaw? Ah, mais moi, dans ma version, sa face... On voyait la face de Mary Shaw par-dessus sa face. Ouais, elle a l'air possédée. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, tu te dis, es-tu possédée? Es-tu pas possédée? Moi, c'est clair. Ce que je pensais. Moi, je me suis là, juste dit que c'était... En fait, moi, j'ai pensé que c'était... Ah non, c'est parce que j'ai dormi à la fin, de toute façon. J'ai pensé que c'était elle, Mary Shaw, mais genre une version plus jeune d'elle. Là, ben, c'est parce que à un moment donné, quand tu regardes dans les livres, là, il y a tous les flashs là, avec le montage de « Je vous révèle le punch » avec le montage à la décadence. Là. Ça, c'est justement le bout hyper décadence du film. Là. Ouais. Parce que la musique est... Pouf, pouf, pouf, pouf, je vais vous montrer toutes les images, vous allez voir, vous allez comprendre ce qui se passe. À un moment donné, tu vois, il regarde dans un livre, c'est écrit « The Perfect Doll », puis quand il vire le papier de bord, papier qui a jamais viré de bord, de toute façon, fait que tu te demandes pourquoi que là, dans le flashback, on le voit virer de bord, on se rend compte que c'est la face de sa belle-mère qui est là. Et là, tu fais comme, sa belle-mère, de Perfect Doll, pourquoi? C'est ça qui m'a mêlé, moi. Ben, c'est, dans le fond, c'est le pantin parfait qui ressemble à un humain. C'est plus ça. Ouais, c'est ça. Mais, fait que là, c'est ça. Fait que là, tu dis, sa belle-mère, c'est-tu un pantin ou bien c'est pas un pantin? C'est-tu une humaine? Es-tu possédée? Comme Vicky a dit. Elle est possédée. Si elle a réussi à posséder toutes ses marionnettes, elle peut posséder celle-là. Ben, c'est non, ça, mais tu te dis, c'est un humain, c'est une marionnette. Ben, en fait, c'est assez évident au bout du compte quand tu réfléchis que c'est un humain parce qu'elle avait déjà commencé avec le jeune garçon à essayer de mélanger pièces humaines et pièces de pantin. Fait que j'imagine qu'avec elle, c'est comme la perfection, elle a pris un être humain. C'est juste qu'on connaît pas l'origine de la femme, tu sais. Est-ce qu'elle sortait vraiment avec le mari, tu sais, c'était. Ok. Genre qu'elle aurait eu le mari, elle serait arrivée par avec comme, hey, je t'appelle bien, salut. Ben oui. Ça aurait pu. Mais en même temps, il était ses photos oui, des cartes. Ah oui, non, c'est vrai, ouais, c'est vrai, il y a une peinture qui est dessus. Moi, j'avais tellement pas l'importance de savoir c'était qui. M'en crissait bien, c'était sa belle-mère. Je trouve qu'à partir du moment où elle rouvre la porte et elle dit « Allô, je suis ta belle-mère », puis il s'en va, je fais comme « Non, non, non, non, non, elle est plus importante, ça se peut pas. » Là, la deuxième fois qu'elle la voit, elle suit partout dans la maison, je dis « Ok, elle a de quoi te cacher, il y a quelque chose qui marche pas. » Je trouve que c'est comme jouer ses cartes, là, ben, poche en crise, là. Elle a des lunettes de soleil, puis on va au travers, là, tu sais. Je trouve qu'elle dévoile facilement son jeu, elle est zéro subtile. Ça paraît qu'il y a quelque chose de plus dans le film. Fait que quand on me dit, ben, elle est possédée par Mary Shaw, qu'elle soit sa réincarnation, sa popette ou possédée, je m'en foutais bien. Tu vois, dans ces scènes-là, j'ai l'impression, puis c'est ça l'erreur de James Wan, c'est que il met plus d'efforts à nous faire croire que le père est vivant qu'à la rendre, elle, casual, tu sais. C'est ça. T'sais, il met plus d'efforts à faire comme, non, checker le père, il est vivant, le père est pas mort, le père n'est pas mort, regardez, il mange, tu sais. Exact. C'est ça, fait que tu sais, tandis que tu regardes l'autre, tu fais, elle a de quoi de louche, elle sait quelque chose, elle a fait de quoi, là, ben oui. Elle est beaucoup trop, justement, en plus, le fait qu'elle soit obligée d'être à côté du père pour le manipuler, a tout le temps de l'air comme de faire je suis tout le temps au-dessus de lui puis je le contrôle, tu sais. C'est pour ça que dès qu'elle est proche de lui, il a comme pas le choix de plus filmer le père parce qu'à un moment donné, on commencerait à se dire, c'est bien bizarre, tout le temps le bras derrière lui ou de quoi, ça serait moins subtil. Ouais. Mais le qu'est-ce que tu disais, le montage à la fin, très décadent, j'ai un feeling, moi, que c'est comme les producteurs qui ont comme imposé ça, d'après moi. Je sais pas. James Wan. Conjuring 2, il y a une scène quasi identique, juste pas en musique. Il fait un cinéma avec des scènes explicatives, point final, là. C'est un peu dans Conjuring 2, c'est quoi la séquence? Dans... Ben, on en parlera tantôt, okay. Ou les gens... On est dans la section spoiler, si t'as le droit. Ouais, puis on est après qu'on ait parlé de Conjuring 2. On est après, dans le temps, c'est correct. Weird, là. Dans le temps, c'est correct. Ben, quand que elle a une vision, genre, de la nonne qui va attaquer le vieux monsieur, qui finalement, le vieux monsieur, ben, c'est la même genre de chose, là. C'est une scène explicative, là. Mais c'est pas monté de la même manière. Ouais, non, non, c'est ça que j'ai dit. C'est pas le même montage stressant, mais ça reste qu'il aime bien les scènes explicatives. Ben ouais. C'est ça, c'est le montage, moi, je reproche, qui fait vraiment décadence. Puis j'ai l'impression que les producteurs ont comme imposé ce style-là parce que c'est à cause de ça, ça a marché, veux pas, décadence dans le temps. Le twist. Parce que, ouais, c'est ça, parce qu'au niveau de l'explication, James Wan, il explique tout. Ou du moins, il pense tout expliquer. Quoique là, on parle de fin alternative, si on considère la fin alternative de James Wan au complet, dans laquelle on a plus d'informations, ça détermine un peu mon point que ce gars-là, il aime ça faire un flashback qui explique tout. Ouais, c'est ça. Mais il le refait plus après, ce genre de flashback-là. Dans Insidious, il le fait pas. Non, pas vraiment. Dans Conjuring 1, il a pas ça, mais ça... Non, il a pas ça non plus. T'sais, il l'a refait dans Conjuring 2, mais c'est beaucoup moins in your face, là, de genre de... Voilà, ouais. T'sais. Il l'a réussi à maîtriser, là. Il fait plus doux, t'sais. Ouais, il a vu plus de films, puis il l'a maîtrisé, là, je sais pas, mais... Ouais, ouais. Mais t'sais, il fait... C'est ça, il fait de façon moins... je vous garage un punch d'en face, checker bien ça, checker le punch, t'sais. Tandis que dans Dead Silence, c'est comme... OK, maintenant, je vous dévoile un punch! Ben oui, puis c'est ça, là, la fin alternative, il se passe quoi de plus? Écoute, finalement, quand il réalise que son père est mort, plutôt que de voir sa belle-mère se transformer en Mary Shaw, il se fait assommer, il tombe par terre. Quand il se réveille, il est attaché sur un divan. Sa belle-mère est en train de programmer un appareil photo pour qu'il prenne une photo à retardement. Elle vient s'asseoir à côté de lui. Puis pendant ce moment-là, on a un flashback qui est sensiblement pareil au celui de la version originale, sauf qu'on a plus d'informations comme quoi la belle-mère était enceinte du père, mais le père, comme avec toutes les autres femmes, était un peu violent et méchant. Il l'aurait poussé dans les marches. Là, vous m'arrêtez, c'est ce que j'ai compris. Il l'aurait poussé dans les marches. Elle aurait perdu son bébé. Mary Shaw serait venue la visiter. Elle aurait fait un genre de pacte avec Mary Shaw pour dire « OK, tu vas me donner une famille. » En échange, je te ramène le fils qui est parti loin, que tu ne peux plus rejoindre parce que ça te prend absolument une poupée proche du fils pour l'attaquer. Donc, je vais y envoyer une poupée. En plus, ce fils-là est en train d'avoir un descendant et toi, tu veux attaquer et détruire tous les descendants de cette famille-là parce qu'on se rend compte que le père fait partie des gens qui ont détruit Mary Shaw. Ça fait pas Freddy Krueger partout. Finalement, c'est ça, on réalise que Mary Shaw et la belle-mère étaient de connivence. Donc, la belle-mère n'était pas possédée par Mary Shaw, mais plus était une alliée de Mary Shaw. Et s'est arrangé pour que tout ça se produise. Et à la fin, elle fait un portrait de famille qu'on voyait seulement dans l'autre fin. Mais dans celle-là, on voit le portrait se faire. Donc, il est assis à côté de sa blonde qui est rendue une marionnette. Son père qui est une marionnette. Puis elle qui est à côté de lui, qui est genre folle, ça cote, ça revient, il est clairement devenu une marionnette, il est couché dans un lit, est au-dessus de lui, elle raconte l'histoire de Mary Shaw, elle fait de la ventriloquie avec lui, puis ça finit avec, et la seule façon de combattre Mary Shaw, c'est le silence, puis elle souffle une chandelle, puis il black. Alors voilà. Mais avec tout ça, ça rend le film plus cohérent, mais moi je trouve, mon opinion, moi, c'est que James Wan est meilleur pour nous faire peur avec des scènes choc que d'expliquer vraiment ces monstres. Parce que comme on en a parlé tout à l'heure en long et en large de The Conjuring, ce qui est drôle, c'est que là on enregistre le spoiler de Dead Silence, mais on n'a pas encore parlé de The Conjuring. <C'est ça. rire> Mais son gros démon de Conjuring, il est pas expliqué, là. Fait que, son origine puis son pourquoi il attaque, c'est pas expliqué. Fait que, non, c'est ça, exact. Conjuring 2, je parle. Ouais. Puis, ben, dans Insidious, est-ce que c'était bien expliqué? Non plus. Je l'ai juste vu une fois, je m'en souviens. Même avec non, Insidious en fait, 3, qui est un prequel, ça explique rien. En fait, plus. C'est extrêmement bien expliqué dans le 2, et c'est pour ça que j'ai détesté le 2. Je voulais pas connaître les origines de la mariée. C'est vrai, dans le 2, on le voit vraiment. On voit tout en détail, puis j'étais comme, ouais. Je voulais tellement pas ça. Là. Ouais, je comprends. Oui, non, t'as raison, c'est vrai, on voit tout dans le détail du 2. Mais oui, t'as raison, Jean-François. Puis, mais ce qui est drôle, c'est quand on écoute la fin alternative de Dead Silence, il nous met des flashbacks de certaines scènes qui seraient arrivées dans le film, mais que quand tu te rends compte, c'est des deleted scenes du film. Mm-hmm. Fait que là, tu vois le charcutage qui a été fait. Ouais. Tu vois certaines scènes qui ont été effacées, puis tu fais comme, OK, ces scènes-là ont été effacées, mais ils faisaient partie du reveal de la fin. Fait que là, est-ce que ils se sont mis à y effacer des scènes dans le film, puis qu'à un moment donné, il a comme fait, bon, ben, mon punch final. T'es en train de tout fucker. Je peux plus l'inclure, là. Il manque de l'information, fait que je peux plus le mettre. Fait qu'il faut que je fasse de quoi de différent. Puis, juste, il a garoché ça. Parce que sa fin originale, qu'on a vu, qu'on voit au cinéma, ou en tout cas, tout ça, est très garochée. Ah oui. Très garoché, si tu veux expliquer c'est quoi la fille, là. Tu sais, ça arrive très garoché. Ouais. Dès que Steven le dit, et tu fais comme, ah, pff, non, attends. Dès que... en même temps, vas-y, Jeff. Ben, je veux dire, dès que Steven l'a dit tantôt que le film avait été charcuté, mais ça a fait, OK, gros flash, ça a fait, OK, c'est pour ça que c'est pas cohérent de même, le film. OK, je comprends, ouais. C'est juste aussi simple que ça. Ouais, ouais, mais en même temps, dans les deux fins, notre héros, il meurt. Puis, ouais. Le but de Marisha, c'est de tuer toute la lignée. Ouais. Qu'à partir du moment que le héros, il meurt, je m'en calisse tu bien de c'était qui, elle, parce que elle a plus de vie, elle a plus de raison d'être, elle peut pas venir m'attaquer moi, en tant que personne dans mon salon. Fait que bon, je m'en foutais bien. Moi, j'étais vraiment contente que le gars, il meure, parce que, pas parce que j'aimais pas le gars, mais je trouvais que déjà, c'est rare qu'on tue notre héros. Dans des films comme ça, généralement, le héros aurait tué Marisha en la garochant à son tour dans le feu. Il aurait vu que c'était sa belle-mère, il aurait tranché la tête, puis le problème aurait été réglé, tu sais. Là, il meurt. Dans les deux versions. Fait que moi, je me dis, un coup qui est mort, m'en fous bien, c'est qui les autres? Ouais, ben, il n'y aura pas de suite, effet. De toute façon. Fait que... Non, c'est ça. C'est ça? Non, c'est ça. Tu peux pas, hey, tu peux pas traficoter une fille une suite à Dead Silence. À la limite, tu vas montrer un flashback, un prequel de comment elle a tué les autres personnes qu'on voit dans les livres. Mais ce que tu dis, Vicky, c'est que dans le fond, la menace du monstre, du fantôme, peu importe, dans ce film-là, c'est... elle arrête d'être menaçante à la minute que lui meurt, parce exactement. Que toute la lignée est morte, fait que dans le fond, son but est atteint, puis elle viendra pas t'attaquer toi dans le salon, comme un autre monstre d'un autre film. Là, tu pourrais avoir peur qu'il soit dans ta chambre, dans tout ton lit, quelque chose comme ça. Ouais, mais sinon, tout le film, t'aurais pas peur. Tu sais qu'elle attaque juste la lignée du gars. Fait que pourquoi juste à la fin, elle perdrait son efficacité? Oui, mais pourquoi si pas survie, à la fin? Puis là, le gars, il vient se cacher chez nous parce qu'il court après. Moi, j'ai bien de la place en dessous de mon lit. Là, il se cache. Là, il court après. Là, finalement, il me touche. Là, le cœur s'est rendu on me pour aucune fucking raison. Non, faut là, que tu sois sa blonde. Faut que tu sois sa blonde. Si tu couches avec, là, t'es dans la merde. Ouais, mais il est cute. Fait que je suis dans la merde. Mais admettons, là, ça aurait pu être intéressant avec le personnage de Donnie Wahlberg. Et là, on extrapole. Imagine le personnage de Donnie Wahlberg ne meurt pas, ok? Il est témoin de tout ça, se rend compte que le gars est mort, mais il se dit maintenant, bon, ben, c'est terminé. Tu sais, je viens d'être témoin, le case closed, tu sais. Marisha a détruit tout le monde. Admettons, tu sais, il tire dans la belle-mère à la dernière minute, là, tu sais. Mais le gars, trop tard, il est mort. Fait que, tu le vois qu'il remplit son rapport de police, tu sais, blablabla, enquête terminée, sauf qu'il rentre chez eux et Billy est là, tu sais. C'est ça! Là, et là, tu fais comme, oh, tabarnak, quoi? Tu sais, à la limite, moi, avoir une fin de, oh, quoi, il va se faire attaquer, c'est pas fini. Ou il rentre chez eux, puis, subtilement, il y a une tempête, puis à un moment donné, t'entends plus le tonnerre, tu sais. Une affaire de même, tu sais. Ouais. Juste pour faire comme, Marisha, elle a peut-être tué tout le monde. Elle est encore ça. Là. Mais là, c'est que moi, je me dis, ben, il est mort, c'est original qu'on tue notre héros, puis le fait que lui est mort, tu sais, ça peut pas aller ailleurs. Fait moi, j'étais satisfaite. Je me posais pas plus de questions, en fait. C'est plus ça, c'est là où j'en ai. Moi, quand la fin a lieu, je me posais plus de questions. Mais je savais pas qu'il y avait des questions en suspens. Moi, le dernier plan, non, je le trouve parfait, honnêtement. Je parle pas tant du punch sur ta tête, mais le plan du tableau avec la les membres. Moi, je la trouve parfaite avec le poème. Là. J'aurais pas changé ça, là. Ben, moi, tu vois, ma blonde me demandait de trouver une explication parce qu'elle, elle aime ça, se faire expliquer les choses. Elle aime, ça la frustre, un film qui laisse trop en plan. Écoute, elle fait pas écouter l'étrange coup de larme de ton corps. Non, c'est pas son genre. Mais tu sais, elle aime pas ça, un film qui la laisse en plan comme ça. Puis elle aime bien ça que j'y arrive au moins avec ma théorie, tu sais, au moins. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, ça? Parce que il faut que j'aille, faut que j'aie une théorie, tu sais. Puis fait que là, j'ai comme checké, j'ai fait « Ah ben écoute, il y a une fin alternative, on va checker. » Puis là, ça a comme donné la réponse. Mais moi, oui, je me souviens que les deux autres visionnements que j'avais eus, ça m'avait satisfait aussi. J'ai comme fait « Ah oh, ben ok, écoute. » Un peu à la vie, comme tu dis Vicky, là. Tu sais, ben coudonc, c'est ça. Tu sais, on n'a pas besoin de savoir. Je sens que, aussi pour la population moyenne qui se pose pas trop de questions en écoutant des films, ils vont sortir du cinéma, par exemple, avec ça, puis ils feraient comme « Hey, c'était cool, hein? Point. » Ouais, c'est comme... ça, exact. Ah, oh, ouais, exactement. Non, c'est comme, je sais pas, si je regarde mon chum hier, on écoutait un film, puis la première scène du film, la scène d'entrée super claire, puis je regarde mon chum, tu t'as rien compris, il dit non. Puis c'était super clair. Mais il me disait pas comme « Hey, j'ai rien compris », c'était comme « Non, je vais finir par comprendre, mais non, la scène est comme 20 ans auparavant, fait que si t'en comprends pas là, tu comprends rien du film. » Mais il était comme « Non. » M'en fous, moi, l'écouter, le film. Fait que, tu sais, je sens qu'il y a vraiment une population à qui Dead Silence, ça va être ça. Genre, je m'en colle. Je savais pas qu'il fallait que je sache c'était qui elle, genre. Ouais, exact. C'est ça. Ben, c'est elle qui tuait. Cool. Ouais, c'est ça. Je reviens sur le fait que ce que t'as dit tantôt, Vicky, le monstre, dans un film d'horreur, est-ce qu'il est plus efficace quand il n'y a pas de... Quand il vise pas quelqu'un en particulier ou une famille en particulier, puis qui, tu sais, quand il est genre comme Jason, puis qu'il va viser du monde random, puis là, toi, t'es en dehors du film, Mané, t'es chez vous ou en camping à quelque part, puis tu y penses, là, t'es dans la forêt, puis tu y penses à Jason qui pourrait venir t'attaquer ou quelque chose de genre. Est-ce que ça a plus... Imagine que ça a un petit peu plus d'impact si le monstre... Ça a plus d'impact, mais en même temps, tu sais pas ce qu'ils ont fait tes ancêtres. Hein. Ils ont peut-être insulté des ventriloques de tes ancêtres. C'est ça. Mais le coroner qui se fait tuer, il a rien fait, lui? Ben, il était à la représentation. Ouais, mais il a rien fait. Ouais. Il a pas tué Marisha, puis il a rien fait, là, en tant que tel. Il a crié. Ouais, mais pourquoi qu'elle s'est montrée à lui? T'as raison. Mais en même temps, pourquoi qu'elle s'est montrée à Donnie Wahlberg? Ben, il était là sur place pendant qu'elle poursuivait l'autre. Ça a juste à donner, je dirais. Je sais pas. Peut-être qu'elle tuparait les gens dans l'entourage, mais... Là, on parle de quand elle s'est montrée à lui quand il était petit. Mais quand il était petit, elle avait peut-être pas décidé de sa curse encore. Elle avait peut-être pas décidé qui qu'elle allait faire chier. Non, mais c'est quand elle tue dans le... Elle tue plus vieux, là. Ouais. Ben c'est ça, sa curse est décidée. Ouais, mais il l'avait vu, elle, réincarnée, plus jeune. Ouais, mais peut-être, elle tue pas à cause de ça? Elle tue pas parce que le monde l'a vu ou quoi que ce soit? Elle tue tous ceux qui sont dans la lignée de ceux qui l'ont tué puis empêché de parler, là, qui ont coupé. Mais il me semble qu'elle dit quelque chose avant de le tuer, genre. Ouais. Je me souviens plus c'est quoi. Eh ben... Je me souviens plus c'est quoi. Mais elle tue pas sa femme. Non. Ben, on le sait pas, en fait. On la revoit plus. Ah. Ben, elle utilise la voix de sa femme. Fait que ça veut dire qu'elle l'a tué. Pour la tirer. Ça veut dire qu'elle l'a tué. OK. Parce que quand t'as tué quelqu'un, elle prend possession de sa voix. Ouais. Mm. Ben, elle les aimait pas. Ils ont peut-être fait pipi dans son garage. Peut-être. C'est son père qui l'a embaumé. Fait qu'elle l'a pas aimé. Elle l'aimait pas. C'est ça. Moi, je dis qu'il y avait du dislike dans cette histoire-là, mon gars. Sûrement. Il a fait thumbs down à son show. C'est ça. Mais c'est ça, tu sais, il a fait une mauvaise critique sur sortir.com, là. J'ai vu ses lèvres bouger. Ah, c'est ça. Hey, mais, c'est oh, man. Un fantôme qui hante tout le monde qui écrit des commentaires négatifs sur YouTube. Ça serait d'actualité en YouTube, ça. Hey, imagine, ça ferait tout qu'un fantôme qui... Hey, imagine si la Ghostbusters, le nouveau, avait un fantôme comme ça. Ça serait fou. Ça serait pour la société. Ben, en tout cas, c'est ça. Moi, je comprends qu'on fait une section spoilers, par exemple, mais je trouvais pas que la belle-mère, son origine de méchanceté était nécessaire. Hey, elle est dans sa belle début trentaine, puis elle sort avec un vieux schnock en chaise roulante avec qui il faut qu'elle donne de la soupe. Puis la soupe, elle coule tous ses doigts par l'autre côté. Tu sais, elle se donne, là. Elle se donne. Elle veut. Elle veut. Elle fait qu'elle fasse ce qu'elle veut après ça. Puis, hey, t'entends-tu que c'est la claque la moins... Tu sais, vous regarderez la scène, parce que je l'ai regardé tantôt quand je regardais les scènes, la scène. Ils donnent une claque, OK, mais ils sont genre en face du feu, ou en tout cas, ils sont comme vraiment fucking loin, puis elle rebonde comme... Elle vole 6 mètres plus loin pour être sûr de pogner les escaliers, genre. Mais tu sais, tu sais, je veux dire, tu frappes pas une femme fine, là, mais c'est vraiment une claque, ça joue, là, pis elle vole en tabarnak dans les escaliers, là. Ah, tu vois, moi, quand j'ai vu ce montage-là, j'ai vu comme pas deux scènes qui suivaient. J'ai vu genre, regarde, il est violent, il l'a déjà frappé, puis en plus, il l'a déjà... Ça peut pas être une scène de conséquence, non, non, non. Hein? Non, non, c'est surtout, t'as remarqué que ça peut pas être... Elle était pas en démarre quand il a donné une claque, là, c'est trop comme... C'était Baywatch, non, c'est ça, c'est... Regardez, genre... il chicane, puis voici ce qu'il a déjà fait. OK. Ben, ça faisait un peu Baywatch. Trop plus, là. Faire Baywatch, je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Ben, ça dit ce que ça veut dire, par exemple. Oh. Ah, oh, c'est drôle. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Ben, on termine cette section spoilers. On peut terminer la section spoilers. Puis celle qui va suivre tout après, ça va être la section spoiler de Conjuring, je pense. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en fait une? Je pense qu'on en fait une. Ben, je pense pas que ça aurait été un spoiler par rapport à la fin, là, parce qu'il n'y a pas forcément un gros twist ou rien. Là. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de fin à Conjuring 2 à dire, là, à discuter. D'accord, c'est beau. Au pire, on l'ajoutera si on se rend compte pendant qu'on en jase qu'on a besoin. Je me souviens plus de la fin. Si vous voyez qu'il reste juste 5 minutes à l'épisode, c'est parce qu'il y a une toune, c'est tout. Non, c'est même pas de toune, c'est vrai. Non, c'est vrai, on est encore en train de s'ajuster, là. S'il n'y a pas de scène de spoilers de Conjuring 2, l'épisode se termine maintenant. Essayez-vous de me parler? Oui. OK, c'est parce que j'ai quelqu'un qui vient de m'envoyer quelque chose de vraiment important. Quoi? Pas une dick pic. Non, toujours pas. J'aime savoir qu'est-ce qui était partant pour Seb. Moi, je collectionne, Marty. Ouais, c'est genre souhait, tu sais. S'il vous plaît. Ceux qui m'aient. C'était quoi tu voulais savoir, Seb? Est-ce que tu veux faire le résumé de Conjuring? Mais c'est parce que ça te mettrait à la fin, là. Peut-être que ça t'intéresse. Ah, ça me dit, moi, genre, ça plein de dick pics. Dans le fond, c'est un gars qui a envoyé plein de photos de Dick Tracy. Puis de... C'est ça. Dick Cheney, puis Dick Van Dyke. Hey, Dick Van Dyke, par exemple, il a le dick. Là, tu sais, là. Ah, Dick Van Dyck, là, tu sais. Là. Lars Van Dyck. Martin Scorsese Dick. Cross his dick. Cross his dick. Martin cross his dick. Dick Rivers. Jurassic Dick. Jurassic Park. Jurassic Park. Back to the dick. Ah, c'est n'importe quoi. Dick là. To the future. Dick, c'est ça que j'aurais dit aussi. Even Dick to the future. Ok, ouais, ça plus d'allure. Dick to the future. The great dictator. Gone with the dick. Salut les boss. E-Dick. E-Dick. C'est E.T. The Texas Dick Massacre. The Dick Chainsaw Massacre. Ah! Oh man, c'est malade, ils sont tous là. Night of the Living Dick. Creature of the Dick Lagoon. Ok, ça m'arrête plus là, ça arrête. On est... Evil Dick. Gay, on est censé changer, ben, puis là, vous faites juste changer les titres. Ben, on attend que tu sois prête pour le résumé. Dick, on commence ça maintenant. Calice. The Conjuring, c'est un film qui ne met en scène aucun dick. Quoique. Bon, hey, The Conjuring, on va faire ça sérieux. The Conjuring.